so bright, so colored. On Instagram, I don't like no other. So baby, why you don't write, don't holler? Let's have a short and get loose, get wavy. Cause we ain't sipping on the juice that they be. Get your armors in my roosh. Party with my troops, switch the Rari to the coupe. Any mansion, we can party on my roof. Yo, when it's a new year, up 90. New spring, summer, new money. New car queen, says she went clever in her class. First time she got a star, and now she wanna ask somebody. And I just smashed the record with my 7th number one. I was praying for a time when I thought it would never come. And now I'm like no other. I'm sitting pretty high with my Stone Cold Stunner. I live my day as if it was the last. Live my day. Tout le monde, aujourd'hui nous sommes jeudi, nous sommes le 22 septembre, on a pris l'antenne il y a 5 minutes mais parce que je voulais vous passer le nouveau The Weeknd. Il était bien. Et produit par The Daft Punk, forcément on était chaud sur le dossier. On le remettra ce matin ou pas? Ah oui, bien sûr. Parce que moi il m'a bien fait kiffer. J'espère que ça va bien, vous êtes en train de finir votre nuit ou peut-être que vous venez d'attaquer là, votre journée de boulot. Bah, on va arriver avec toute l'équipe de Bruno dans la radio. On est chez vous là dans moins de 5 minutes avec Parakeet. Parakeet, Save Me. Sac Noël avec trompette, ça va arriver également. Et Martin Garrix avant 6h30, In the Name of Love. Vous pouvez appeler maintenant le 3228, on va jouer au tout ou gagné, tout ou perdu. Il y a un iPad mini 4 à vous offrir, entre autres. Et puis tout plein de surprises dans l'émission de ce matin, je vous en parle là après les news. Fun Radio, le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce jeudi, c'est le 22 septembre, c'est Max Poulaouek pour les infos, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous, bienvenue sur Fun. On démarre par la météo de ce jeudi 22 septembre, premier jour de l'automne, mais ce sera encore une belle journée de soleil sur la France. Il y aura juste quelques nuages le long de la Manche, peut-être une averse le matin, mais rien de méchant. Il fait 9 à 14 degrés au réveil, dans l'après-midi prévoyez 17 à Cherbourg, 21 à Lille, 22 à Nantes et Tours, 23 degrés à Paris et Lyon, 24 à Tarbes et Ajaccio, jusqu'à 26 à Nîmes. Un souffle contre le décrochage, c'est par ces mots que la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a lancé hier l'idée d'une école obligatoire pour les 3-18 ans non diplômés contre 6 à 16 ans aujourd'hui. Cette réforme, si elle était mise en œuvre, obligerait à réintégrer 80 000 décrocheurs âgés de 16 et 18 ans dans le système scolaire. Elle nécessiterait la création de 5 à 7 000 postes de professeurs supplémentaires. La famille Chirac appelle au respect de la vie privée. Bernadette a été hospitalisée hier dans un hôpital parisien pour souffler et récupérer un peu. Son époux, l'ancien président Jacques Chirac, est en observation depuis à plusieurs jours pour une infection pulmonaire. Hier, de nombreuses rumeurs ont circulé sur son état de santé, avec notamment un tweet de Christine Boutin annonçant sa mort, immédiatement démenti par le clan Chirac. Le permis de conduire, ça coûte trop cher. L'association UFC Que Choisir a dénoncé hier les trop nombreuses sorties de route des professionnels du secteur. Elle demande une révision pour faire baisser les prix et notamment celle des heures supplémentaires. En France, un élève paie en moyenne 1 800 euros pour son permis de conduire. Le football, la Ligue 1 a un nouveau leader après 6 journées de championnat. Nice se positionne en tête. Les Aiglons ont dominé Monaco hier soir 4-0 dans le derby de la Côte d'Azur avec un doublé de la star italienne Mario Balotelli. Parmi les autres résultats de la soirée, la victoire de Lyon 5-1 contre Montpellier. Et les 6h03, bon réveil sur Fun avec Bruno. Bruno on Fun Radio. Jeudi, nous sommes le 22 septembre, c'est Fun Radio que vous avez choisi pour vous réveiller, il est 6h03, bonjour! Bonjour! Bien bienvenue dans l'émission de Radio Matinale que les autres matinales écoutent. Bienvenue sur Fun Radio, bienvenue dans la famille. Encore une fois aujourd'hui les amis, jusqu'à 9h15, nous vous avons prévu le nec plus ultra de la crème de l'élite, de la cerise sur le gâteau de votre réveil. Avec du cadeau de ouf. On va commencer dans moins de 10 minutes avec un iPad mini 4 à vous offrir au tout ou gagné, tout ou perdu. Je rajouterai à cela un appareil photo numérique, un casque Beats et la compile Bruno dans la radio. Toute nouvelle compile qui va sortir dans les bacs demain et que vous pourrez gagner ce matin en avant-première. 7h30, chanson du jour. Oh, et chanson du jour aujourd'hui, Elliot, tu vas aimer. Ah oui. C'est une fille. Oui, avec une... Une autre fille. Oui, j'adore. Qui veut lui faire une déclaration d'amour et je peux vous dire que ça va être... Il y a le hashtag Bruno Fun Radio, on est numéro 1 en top tweet France là déjà alors que l'émission a à peine commencé et j'ai envie de vous faire des bisous qu'on partagera avec un pote à nous qui va passer la, vers la fin de l'émission aux alentours de 9h moins le quart, c'est Kungs qui viendra en live pour un petit Don't You Know, il vient avec le chanteur, il vient avec tout, il vient, tout le dossier sera là. Et toute l'équipe de Bruno dans la radio, on est là, on est au taquet. Je peux vous dire que ce matin, j'ai remarqué que Christina utilisait à fond de cale. Comment s'appelle cet appareil ? Le Ioniq Secret Curl voilà. De Babyliss. C'est quoi ? Ah oui. C'est le Babyliss pour les cheveux. D'accord. Elle est arrivée, il y avait des photographes et un tapis rouge à l'entrée. On a l'impression qu'elle faisait la montée des marches à Cannes. Non, mais c'est hyper efficace, ça fait des jolies boucles. Ouais, ouais. Après, si je peux me permettre, je pense que tu l'utilises un peu trop. Peut-être que t'en fais un peu trop de boucles. Je pense que la SPA peut t'embarquer en pensant que t'es un canard. Voilà. Oh, bah, c'est parce que j'ai les cheveux épais, je peux pas faire autrement. Ah. C'est toujours too much sur mes cheveux. C'est vrai. Vacher là ce matin. Oui, bonjour, excusez-moi, j'avais pas réalisé que Christina avait les cheveux épais, bien sûr, je présente mes excuses. Il y a pas de souci. Et auprès de toutes les personnes qui ont les cheveux épais et qui écoutent la radio. Elliot est là ce matin. Oui, moi d'habitude j'aime pas trop les boucles, mais là ça va. Ah, donc, j'aime merci. Bien, oui, c'est joli. Et puis, comme chaque matin, cette émission est dédiée à un auditeur de Fun Radio. Et ce matin, il habite à La Rochelle. Oh, belle ville, Charente-Maritime. Jolie la Charente-Maritime. Il s'appelle Benoît, il a 24 ans. Applaudissements pour Benoît. Salut Bruno, salut toute la famille. Salut Ben, tu fais quoi dans la vie du côté de La Rochelle ? Je travaille dans l'armée de l'air. D'accord, ok. Pourquoi les gens hésitent quand on leur demande leur boulot ? C'est que t'as peur de le dire ? Non, pas t'es du où tout. T'es sur la base aérienne 721 de Rochefort ? Non, je suis sur l'antenne de La Rochelle. Voilà. Oui, je dis ça parce que j'ai fait mon service militaire à la base aérienne 721 de Rochefort. Ah d'accord, mais t'étais le seul apparemment. C'est une super base aérienne. J'étais aviateur, les amis. Ouais. Oh. Oui, mais t'as jamais piloté d'avion. Aviateur, première classe. Oui, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous savez qu'en cas de conflit, je suis réserviste. Ah, on ouais peut me rappeler, bien sûr, on peut me rappeler. Je peux partir sous les drapeaux. On peut te rappeler jusqu'à quel âge quand t'es réserviste ? Écoute, tant que je suis pas sur répondeur, je pense. On peut me rappeler. C'est vrai qu'en cas de guerre, si on voit un avion qui cale au démarrage, c'est toi. Bon, Ben, c'est ton émission oui jusqu'à 9h15. D'accord ? T'as quel grade dans l'armée d'ailleurs ? Je viens de passer caporal-chef. Oh, c'est donc l'émission du caporal-chef. Attention, oh Benoît. Et... tu as la ligne directe pour assister à l'émission, pour venir faire ce que tu veux à l'antenne. Et en plus, bah t'as la question. Tous les matins, on a le droit de poser une question à un membre de l'équipe. Question de quoi que ce soit. Et le membre de l'équipe que tu as choisi est obligé de répondre. À qui veux-tu poser une question ce matin ? Alors pour moi, la question aujourd'hui est pour Anthony du GPI. Ah, Anthony Vojsovic du GPI. Ça va Anthony ? Salut, comment vas-tu ? Ça va, oui, pas mal, ça va très mal. Bien. Anthony qui est monsieur Christina Guilloton à la ville, hein, il faut oui le savoir. Benoît, c'est quoi ta question ? Alors, pour moi, c'est vu que tu pètes souvent des câbles dans tes reportages du GPI, est-ce que dans la vraie vie, enfin, quel a été ton plus gros pétage de câble dans la vraie vie ? Oh là là. Non, alors attends, faut qu'on fasse le tri là quand même. Parce que... s'il n'y en avait qu'un, si tu savais. En fait, il pète des plombs tout le temps, il faut le savoir. Hein. Moi, de ceux que je connais, celui avec l'histoire de l'ex et le sabre japonais, pas mal. Oui, alors oui. Mais est-ce qu'il faut vraiment en parler ? Ton plus gros pétage de plomb, donc vas-y. Alors, bon, alors on va dire que c'était sous le contrôle de Christina, hein, dans un restaurant. Je dînais tranquillement. Et là, tu vas comprendre pourquoi, Bruno, j'ai pété un plomb. Un mec un peu bourré est venu derrière moi. Ouais. Il m'a caressé le crâne. Il faut savoir qu'Anto déteste qu'on lui caresse le crâne. Ce que je fais tous les matins juste pour le faire chier en fait. Et donc bah, je me suis transformé en Hulk. Je ne suis pas devenu vert, j'étais tout rouge. Et il a fallu, bah, si tu veux, un peu manu militari me séparer parce que j'allais le dépecer avec les dents. En fait. Tu sens que rien que là, il peut se réchauffer et nous péter la gueule à tous. Je le cherche depuis. Elliot, tu veux bien lui toucher le crâne pour voir si c'est vrai ? Non. Jamais. Pour vérifier. Benoît, ça te va ? Oui, c'est parfait. Bon, bah écoute, on t'embrasse, mon poteau. Gros bisous, la famille. Bisous. Passe une belle journée. Ouais. Non. Il avait défoncé son appartement avec un sabre japonais suite à une rupture. Voilà. T'as pas eu la caution, on est d'accord. Non, donc Christina, tu vois ce qui se passe si tu me quittes. Voilà, ouais, c'est ça. J'ai bien compris. Parakeet Save Me, on attaque l'émission. Bonjour. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my. Save me. Et tu sais quoi? J'ai encore en tête le The Weeknd qu'on a passé tout à l'heure là, vers 6h-10. Première diffusion française, c'était chez nous. Starboy, The Weeknd. On a dû parler Daft Punk. Il faut qu'on le remette ce matin. Hein. Ah je suis oui. Chaud bouillant sur le truc. Sac Noël Trompette. Ça va arriver sur Fun Radio. Et puis je vous parlais de la compile Bruno dans la radio. Elle sort demain. 6 CD, 60 titres. Non, 3 CD, 60 titres. 6 CD, c'est beaucoup. Et dessus, notamment, le nouveau Martin Garrix, In the Name of Love. On parlait du partage d'emploi d'Anto, là, tout à l'heure, là, avec l'auditeur du jour, Anthony Vosovic, du JPI. Mais cela dit, est-ce que vous pétez les plombs? Vous êtes susceptible de péter des plombs, vous, ou pas? Moi, ça m'arrive très rarement. Et quand ça m'arrive, alors je fais un truc qui est nul. C'est-à-dire que je monte en pression. En général, j'insulte beaucoup dans ces phases-là. Et après, tu sais, je me mets à pleurer. Mais c'est nul, quoi. C'est comme ça que c'est ma façon à moi de péter des plombs. Et ça doit m'arriver une fois tous les 10 ans. La dernière fois, ton dernier pétage de plombs? C'était dans des bouchons. J'en pouvais plus. En fait, je devais mettre une demi-heure pour aller à un endroit. J'ai mis 2h30. J'étais bloquée, mais genre à l'arrêt. J'étais hyper en retard du coup, ouais. J'en pouvais plus et là je commençais à insulter la terre entière et puis au bout d'un moment j'en pouvais plus et j'ai commencé à pleurer, j'étais toute seule dans ma voiture, c'était d'une tristesse sans nom. Vachier, c'est quoi toi? Moi c'est pareil, c'est en voiture mais c'était le truc le plus triste du monde parce que pareil je suis très calme et je pète les plombs d'un coup et là je vois que tu vois on était à deux, ma copine elle me suivait avec sa voiture et ouais. Je vois qu'il y a un fourgon qui coupe la route à ma copine, tu vois, et elle essaye de passer, le fourgon force, donc forcément moi j'avais l'esprit de défense, tu vois, je me dis je vais leur péter la gueule quoi, ils emmerdent ma copine, donc je me gare comme ça, je tire le frein à main, je sors de la bagnole, j'ouvre mon coffre, je prends le cric, tu vois comme dans les films, et je cours vers le camion, et plus je cours vers le camion plus je me rends compte qu'ils sont beaucoup à l'intérieur, et du coup je vous jure que c'est vrai, ce que j'ai fait c'est que je suis passé devant le camion et j'ai fait genre que je courais ailleurs. J'ai continué ma course genre je vais secourir un mec qui est en panne. Parlons-en, moi j'en ai un, Elliot t'en as un aussi? Ouais, ou pas? Ouais, au resto, eh ben, moi. On va en parler tout à l'heure et vous aussi si vous avez un pétage de plomb vous venez nous le raconter. 32-28, on fait de la radio ensemble, ou le 02-85-10-000 si vous êtes en Belgique. Le dernier pétage de plomb que vous ayez eu, vous venez en parler ici sur Fun Radio. Tout ou gagné, tout ou perdu de ce matin pour jouer avec nous. Charlotte nous appelle de Saint-Quentin. On est dans le 02, département de l'Aisne. Applaudissements pour Charlotte. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Comment ça va ma belle? Tu fais quoi dans la vie? Je suis aide-soignante. D'accord. Déjà au travail ou pas encore? Là j'y vais. D'accord. Ça commence à quelle heure? 6h30? 6h45 jusqu'à 20h. 6h40. Oh là là, putain, journée de fou. Ouais, ouais. Ils sont chiants les malades, ils pourraient pas attendre 10h du mat avant de se faire soigner. Bah non. C'est des horreurs de dingue. Et t'as une petite coupure entre midi et deux pour bouffer ou même pas? J'ai 40 minutes. Oh, oh là là. Ah ouais. Oh, c'est chaud quand même. Ouais. Hein. T'es quoi? Tu fais vraiment partie des gens. Je suis content de me réveiller le matin pour réveiller des gens comme toi et essayer de vous filer la pêche parce que t'en as vraiment besoin après, je pense, quand t'arrives au travail. Eh ben, vous me la filez tous les matins dès que je me lève pour aller au travail et je voulais vous remercier. Eh ben, tu sais quoi, ça fait plaisir. Pour la peine, je t'offre un iPad mini 4. Oh. Un appareil photo numérique. Mm-hmm. Un casque Beats, parce qu'on aime ça, la Beats. Mm. Et la compile Bruno dans la radio. Ces quatre cadeaux, ils sont à toi. D'accord? Oui. Charlotte, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tenter de les garder, ces quatre cadeaux. Et pour les garder, il faut que tu répondes correctement à quatre questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse entraînera, hélas, la perte d'un cadeau. D'accord. On y va? Eh ben, allez, écoute, c'est parti. La plus vieille prostituée encore en activité dans le monde à 82 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je dirais que c'est vrai. Ouais. Elle se trouve à Taipei, c'est la capitale de Taïwan, d'accord. Elle travaille depuis 40 ans et aux dernières nouvelles, elle n'est toujours pas décidée à prendre sa retraite. Oh, 50 euros et tu me dégrafes la couche. Ah là là. Bah tu sais, elle est tinoise. Bonjour mon mignon, ça va? Tu veux venir écouter avec moi? Tu gardes tous tes cadeaux. Voici la deuxième question. Il existe une compagnie de théâtre qui peut venir jouer un spectacle chez toi exclusivement pour ton animal domestique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je dirais que c'est vrai. Les gens sont totalement fous avec les animaux, donc... C'est vrai. Non. Alex Bailey et Crude Jurak, c'est leur nom, c'est un couple. Ils jouent à ton domicile si tu commandes le spectacle pour ton chien ou ton chat et ils se déplacent dans toute l'Europe. Mmh. J'ai une photo. Ils sont pas nets. Où on voit les deux qui sont accroupis dans le jardin avec un chien qui est en train de les regarder, mais tu sens dans le regard du chien qui se dit mais qu'est-ce qu'ils ont, ces cons. Non, mais on ne fera pas croire qu'eux prennent pas quelque chose, quoi. Ouais. C'est impossible. À mon avis, oui, il y a de la drogue. Et ils sont payés pour ça en plus. Et ils sont payés, oui, bien sûr. Ah non. Troisième question. Pour l'instant, tu gardes tous tes cadeaux, Charlotte. Le prénom Kevin, qui est d'origine irlandaise, il veut dire moche en vieil irlandais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh non, je dirais que c'est faux. Bonne réponse. C'est le contraire. Ça veut dire beau garçon. Ah bon? D'accord. Bon. Dernière question, Charlotte. Dans la mythologie grecque, en enfer... Il y a un endroit qui s'appelle les Champs-Élysées. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors moi, je suis quasiment sûr que c'est faux. Eh bien, non, c'est vrai. Mince. C'est le lieu des enfers où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort. Et je dis tout ça, bien entendu, de tête. À aucun moment, ça n'est écrit sur des fiches. Charlotte, tu viens de perdre l'iPad mini 4. Oui. mais tu gagnes quand même l'appareil photo numérique, le casque Beats et la compile Bruno dans la radio. Eh ben, c'est déjà super, merci beaucoup. Tiens, et Charlotte, on parlait tout à l'heure du dernier pétage de plomb qu'on a eu, c'était quoi toi ? Alors moi j'étais partie faire les courses avec ma mère dans un grand supermarché, elle croise une amie à elle qui m'avait pas vue depuis des années et elle se met à me prendre les joues, vous savez comme les hamsters, parce que j'ai des grosses joues. Ouais. Mais je la connaissais pas en fait, du coup bah je me suis énervée et je l'ai insultée devant tout le monde en plein samedi après-midi. Je peux comprendre, ça énerve ça. Les gens qui te prennent les joueurs, comme si t'étais un bébé. Charlotte, voilà, je te fais des bisous, ma chérie. Bah, merci beaucoup, en tout cas, et continuez comme ça. Et bon courage pour cette grosse journée de travail. 6h19, vous avez choisi Fun Radio. Bah, et dites-le, les amis, on est là sur Twitter. Hashtag Bruno Fun Radio. Balancez un petit message. On peut vous lire à l'antenne. On écoute Sac Noël avec Trompettes. C'est tout de suite et c'est sur Fun. Yo, c'est la gala with the big tic-tac. She fait gimme the gimme the. Head to the floor, gal, gimme the gimme the. Bend over, girl, and gimme the gimme the. Spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the gimme the. Top wine, girl, and gimme the gimme the. Body look fine, girl, gimme the gimme the. Coming out, waste some time, girl, gimme the gimme the. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Stop watch when you bubbly, bubbly. Serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body may take up a permanent residence. Trumpets blow. Bienvenue sur Fun Radio, 6h21. On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. C'est quand la dernière fois où vous avez pété les plombs, dernière fois où vous êtes un petit peu énervé, vous vous êtes mis en colère. Voilà, on parlait tout à l'heure avec l'auditeur du jour d'Anto du JPI qui a pété un plomb au restaurant parce qu'un mec lui a touché le crâne. Il déteste qu'on lui touche le crâne, Anthony. Et c'est vrai que des fois, on peut péter des plombs pour des conneries ou pas, mais en tout cas, on peut s'énerver très très fort. Ouais, Elliot, tu disais que toi, la dernière fois, c'était au restaurant. C'était au restaurant, j'avais réservé pour 20h. J'arrive à 20h, allez, 10, ok. Je vais m'installer et je me pose sur une table disponible. Il y a une serveuse, mais qui avait pas l'air trop de connaître, qui me met là. Et t'as le patron qui arrive derrière, il me fait, excusez-moi, monsieur, vous êtes arrivé à 20h10, je vous demandais de sortir, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, voilà, la réservation, c'est 20h et c'est pas après. Je dis, mais en fait, je suis assis et puis on a déjà bu de l'eau, quoi. Il fait, c'est pas grave, vous allez sortir. Et moi, quand on me vexe comme ça, je deviens vexé et aigri. Et je fais, ouais, de toute façon, votre bouffe, c'était de la merde. De toute façon, bah, je me casse avec plaisir. Puis, ouais, et puis, vous savez quoi? Moi, je travaille sur RTL, c'est la même maison que Fun Radio, et puis je suis critique culinaire, puis vous allez entendre parler de moi. Vous allez voir ça. Ouais. J'adore. Le mec m'a répondu, faites ce que vous voulez. Oh là là. En plus, c'était au Buffalo Grill, donc il n'y avait aucun intérêt de la menacer. Hein. C'est ça. Julien, il a 28 ans, il est parisien. Salut, Juju. Salut la famille. Salut. Tu fais quoi dans la vie à Paris? Moi, je suis chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd dans Paris? Dans Paris, intramuros, et la région parisienne également. Alors toi aussi, tu fais des journées de ouf, tu fais plus de 9 heures par jour, mais pour faire 1,5 km en fait. Ouais, c'est ça, exactement. on fait 20 bandes dans la journée et 10 heures de travail, c'est ça. Avec tous les bouchons qui vont avec. Julien, est-ce que c'est un rapport avec ton boulot, tiens, justement, ton dernier pétage de plomb? Ouais, c'est ça, c'est au boulot, de toute façon, au boulot, on pète les plombs toute la journée, enfin tous les jours, de toute façon, il n'y a pas un jour où on pète pas les plombs. Avec la population sur la route, c'est impressionnant. Et Julien, attention, t'es pas sur RMC là quand même. Là, moi, mon dernier pétage de plomb, c'était un mec sur le périph, comme d'habitude, qui coupe la route pour forcer parce qu'il est toujours plus pressé que toi. Sauf que le gars, je le klaxonne, le gros doigt d'honneur, parce que les mecs dans leur carrosserie, ils se pensent invincibles. Je le course sur le périph, lui, enfin, au final, il arrive dans les bouchons et en fait, bah, je l'ai serré avec le camion, je l'ai foutu dans le terre-plein central du périph et il s'est retrouvé sur le toit. Et je me suis barré. Ah bah c'est chaud quand alors, même. Hey, Julien, c'est pas bien ça c'est pas bien. Non, ça, je peux pas cautionner ça. T'imagines, le mec, il aurait eu un enfant derrière ou un truc comme ça. Non, il était avec une voiture commerciale. C'était un commercial, et c'est ceux qui sont toujours pressés. Imagine la voiture explose, tu dis ah merde. Julien. Ah merde, tant pis pour lui. Alors bon, c'est un pétage de plomb, mais franchement, c'est pas bien du tout. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, mais le gars est sorti de la voiture, il était en bonne santé. Après, je pense qu'il a pas recommencé derrière. Ouais, toi non plus, faut plus que tu recommences, s'il te plaît. On t'embrasse. On t'embrasse, bonne journée. Bruno, on parlait des pétages de plomb, mais des pétages de plomb légaux, hein. Ouais. D'accord? Pas des trucs illégaux, hein. Évitez, de nous dire, mais moi, en fait, j'ai pris une machette et puis je suis parti dans le village et puis j'ai commencé à découper des gens. non, c'est pas la peine. Marguerite en pétage de plomb, elle est pas mal aussi. Bonjour Marguerite. Salut Bruno, salut la famille. Salut. T'as 22 ans, t'es à Pau, on est dans le 64. C'était quoi ton dernier pétage de plomb? Bah, j'ai fugué à 18 ans à Londres la nuit. Quoi? T'as fugué à Londres? Ouais, la nuit. Nuit. Mais attends, explique-moi. Bah, en gros, je m'étais pris la tête avec mes parents, j'avais pété les plombs, je sais plus sur quoi, quel sujet. Et en gros, je leur ai dit que j'allais dormir chez une amie. Et sur le chemin, je me suis dit, bah non, pourquoi j'irais pas rejoindre mon copain à Londres? Et je suis partie à Londres la nuit. Mes parents m'ont appelé le lendemain matin en me disant « Bon, on vient te chercher chez Manon, t'es où ?» Je dis « Bah les gars, bah, je suis à Londres. Hein. » Mais non. Mais attends, explique-moi. Mais de Pau à Londres, la nuit, tu vas comment? Bah, j'ai pris l'avion le matin. Ah oui. Ça se tient. Ouais. C'est un truc de ouf. Oh, bah oui, je te confirme. Moi, je vois la seule fugue que j'ai faite, je devais avoir 12 ans et je me suis enfermé dans le garage et j'ai pleuré au bout d'un quart d'heure et je suis rentré en disant « Pardon !» Alors toi, tu vas à Londres, quoi. Bah, bravo. Ouais. Je trouve ça dingue. Eh ben, je t'embrasse, Marguerite. Non. Moi, mon dernier pétage de plomb, je crois que ça a dû être au supermarché, moi. Ah bon, foutu. T'as fait quoi? Tu sais, quand on passe devant. Quand on passe devant et qu'on fait genre... Genre, je t'ai pas vu, quoi. Genre, je t'ai pas vu, quoi, tu vois. Et donc, je l'ai dit. Ouais, je lui ai dit, bah vas-y, t'as qu'à... Et la nana, c'était une nana... C'est vrai, t'es un mec, j'aurais rien dit. C'était une nana, et la nana m'a répondu genre machin, et je lui ai dit bah ouais, donc en fait si tout le monde fait comme vous, comment ça se passe? J'arrive le matin et je passe à la caisse le soir, quoi. Et donc la nana fait et puis en fait elle m'a laissé sa place. Et puis j'ai quand même entendu vas-y donc, ça fait de la télé, ça se croit tout permis. Alors que j'étais dans mon bon droit. C'est grand. Injustice. 6h26, c'est Fun Radio, jeudi aujourd'hui, on est le 22 septembre. On aura de l'invité ce matin, Kungs. Et puisqu'on parle de DJ, Martin Garrix, le nouveau, vous l'avez découvert chez nous, In the Name of Love. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When this madness when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair, and it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Le chiffre du jour, il m'a fait rire. Je vais avoir besoin, alors, soit vous allez à l'école et c'est votre maman qui vous amène à l'école et vous pouvez m'appeler au 3228, soit vous êtes une maman et vous amenez votre enfant à l'école et vous m'appelez au 3228. Puisque 40% des mamans qui amènent leurs enfants à l'école ont un point commun. Ce sont des milfs. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Elles sont à la bourre, je pense, non ? Non, ça n'a rien à voir avec la bourre. Elles oublient l'enfant, non ? Genre, elles ouvrent la portière derrière, elles font « Merde !» C'est le chien qui va à l'école, du coup. Et bon, on va en parler là, dans le chiffre du jour, ça va arriver après les infos sur Fun Radio. Et puis, un moment love, j'adore ces trucs. Moment love, on a lancé ça sur Fun Radio l'année dernière. C'est un moment où un auditeur ou une auditrice de Fun Radio nous parle d'une histoire d'amour. Mais d'une histoire d'amour un peu originale, un peu bizarre, qui a commencé de façon complètement dingue. Et ben, c'est le cas ce matin de Aude. Et alors vous allez voir, c'est un truc de ouf. Ce sera dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Le point sur l'actu de ce jeudi, c'est le 22 septembre et c'est Maxime Poulaouec pour les news. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. C'est le début de l'automne aujourd'hui officiellement. Dans les faits, le temps restera doux et ensoleillé. Un ciel bleu sur presque tout le pays. Ce sera davantage couvert en revanche le long de la Manche avec un peu de bruine. Il fait 9 à 14 degrés ce matin. Dans l'après-midi, toujours de la douceur. Comptez 17 à Brest, 18 à Dunkerque, mais encore 21 à Reims, 22 à Nantes, 23 à Paris, Limoges et Lyon, 25 à Bordeaux, jusqu'à 26 à Nîmes. La scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, c'est la volonté de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation. Elle a déclaré hier vouloir apporter un nouveau souffle contre le décrochage scolaire. L'idée est d'obliger l'État à trouver une solution à tous les élèves jusqu'à 18 ans quand ils n'ont pas accès au marché du travail faute de qualification. Bernadette Chirac hospitalisée à son tour, l'ex-première dame âgée de 83 ans est en observation dans un hôpital parisien pour se reposer. Son époux, l'ancien président Jacques Chirac, élu à l'hôpital depuis à plusieurs jours pour une infection pulmonaire. La famille demande le respect de la vie privée du couple. Jean-Marc Morandini était toujours en garde à vue hier soir. L'animateur de télé est entendu dans une enquête pour corruption de mineurs, ouverte en parallèle à des plaintes à son encontre pour des castings controversés. Et des comédiens ont dénoncé au cours de l'été des castings osés pour une web-série produite par Morandini. Fini les frais d'itinérance à l'étranger. À partir de juin 2017, vous pourrez appeler ou envoyer des textos sans payer plus cher depuis un autre pays de l'Union européenne. Le projet a été présenté hier par Bruxelles. Nice et Balotelli à la fête. Le club de la Côte d'Azur est ce matin en tête de la Ligue 1 après 6 journées de championnat. Les Aiglons ont battu Monaco 4-0 dans le derby pour s'offrir la place de leader. La star italienne Mario Balotelli a inscrit un doublé. Dans les autres matchs du soir, Lyon a battu Montpellier 5-1 et Rennes s'est imposé 3-2 contre l'Olympique de Marseille. 6h32, bon réveil sur Fun avec Bruno. Wake up. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais. 6h-9h on Fun Radio. On a de l'invité ce matin. Kungs. Il vient vers quelle heure? 9h moins le quart? Tout à fait. 9h moins le quart live de Kungs. Dans Tuno. On va le passer ce matin là. Dans moins d'un quart d'heure, Kungs. Mais pour l'instant, chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Tiens, et vous savez quoi? Avant de vous balancer là, le chiffre du jour, j'aimerais qu'on se fasse un petit battle du grenier. J'ai un titre. Battle du grenier de l'équipe ce matin, on va faire, d'accord? J'ai un titre, donc réfléchissez là pendant le chiffre du jour à qui est capable de m'affronter avec un titre et avec quoi. D'accord. Bonjour Céline. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Elle est là, ma petite bordelaise. Tu fais quoi dans la vie, Céline? Je travaille dans un collège. D'accord. C'est ouf. Voilà. À chaque fois, je le disais ce matin, à chaque fois que je demande votre profession, vous dites Ah, bon, parce que c'est le matin, je pense. Mais non, mais quand on te demande ton métier, tu sais tout de suite ce que tu fais en général. Bah oui, mais peut-être qu'elle n'est pas très bien réveillée, je ne sais pas. Peut-être qu'elle fait des trucs pas très légal, comme on dit, légaux. Dans ce collège. Légaux, oui, c'est plusieurs. Ouais, bon, moi, peut-être que je ne fais pas très bon de la conjugaison aussi. Céline, est-ce que tu as un petit garçon, une petite fille? Oui, j'ai un petit garçon. Il a quel âge? Il va faire 4 ans. Tu l'amènes à l'école? Oui. Quel est le point commun de 40% des mamans qui emmènent leurs enfants à l'école, d'après toi? Alors, moi, je dirais, elle leur envoie des bisous avec la main. Vous savez, là. Ah, les bisous qui volent. Oui. Ouais. Je vois le... Et hop. Eh non, c'est pas ça. Les petits bisous avec la main. C'est trop mignon. Vos parents, ils vous emmènent à l'école ou pas, vous? Non, moi, c'était la nourrice qui m'a emmenée à l'école. Alors moi, mes parents le faisaient, mais je pense que, enfin, c'est peut-être la bonne réponse du coup. Mais est-ce que c'est pas s'arrêter avant le collège ou l'école? Ah, parce que t'avais honte. Parce que ouais, je voulais pas que les gens voient que j'avais une mère. Ils s'imaginent que je venais à pied tout seul, quoi. Parce que là, on est sur des petits. C'est pas la réponse que j'attendais, Céline. Bon courage au collège. Oui, merci. Bisous. Des bisous, ma chérie. Oui, Elliot. Est-ce que c'est pas aller boire un petit coup de rouge? Les mamans, elles se retrouvent après, un petit coup de rouge. Ça va pas, non. Oh. La mère d'Eliott, elle c'est peut ça. Pas. C'est ce que j'allais dire, à part sa mère, Eliott. C'est pour ça que je dis ça. Là. Déborah, elle est à Caen. Bonjour, Débo. Bonjour, Bruno. Bonjour, la famille. Salut. Bonjour. Déborah, 40% des mamans qui emmènent leurs enfants à l'école ont un point commun. D'après toi, qu'est-ce que c'est? Bah moi, c'est mon cas, en fait. Je suis quasiment pas coiffée et pas du tout maquillée. Voilà. Alors, c'est pas complètement la réponse que j'attendais, mais on est quand même très proche de la réalité. Alors tu sais quoi, je vais t'offrir un agenda Fun Radio, d'accord? Yeah. Et la réponse, c'est qu'en fait, 40% des mamans qui emmènent leurs enfants à l'école, c'est ouf hein, le chiffre, hein, sont en pyjama. Mais non. Mais si. Ah oui, parce qu'elles sont à la bourre 2000 alors. Ah mais c'est pas les mamans qui descendent alors? Mais non, elles descendent pas, elles emmènent leurs enfants à l'école, hop en voiture, hop elles descendent et elles sont comme ça en pyjama, elles retournent à la maison, elles vont se préparer pour attaquer leur journée. Alors, juste pour savoir, Christina, t'as déposé ton enfant à l'école juste avant de venir ou pas? Non, mais pas elle pyjama, va pas encore à l'école et c'est pas un pyjama vache. Non, c'est un chemisier normal. On se posait tous la question, pour ça, c'est quoi, on est à l'aise et on le sait. Très bien. Déborah, je te fais des bisous, ma belle. Tiens, bisous, la famille. Déborah, reste là. Oui. Oui. On va faire une petite battle du grenier. T'es une fidèle de l'émission, Déborah. Ah, une fidèle de l'émission qui n'a jamais écouté Bruno dans la radio. Bah, alors très bien. Alors, et Déborah, réexplique aux auditeurs au nouveau qui viennent d'arriver sur Fun Radio ce que c'est la battle du grenier. Donc avec mes mots, la battle du grenier, en fait, il y a deux membres de l'équipe qui choisissent chacun un vieux titre qui ressort des tiroirs. Ouais. Et les auditeurs choisissent leur titre préféré qui sera diffusé un petit peu plus tard. Eh ben exactement, t'as tout bien dit. Attention, qui est capable de m'affronter à la battle du grenier ce matin? Moi j'en ai un. Christina, ok. Ouais. Je commence avec le mien, moi il est cool. D'accord. Le titre ce matin que je vous passais avant 7h, c'est ça. Moby avec Porcelaine, j'adore ce titre. Je suis fan, mais tu sais que ça c'est ma musique de câlin. Eh ben, rien ne t'empêche. Donc, soit Moby Porcelaine, donc ça c'est mon choix. Il est un peu mou du genou, mais il est en cool. Tu sais quoi? C'est le premier jour de l'automne, c'est un titre d'automne. D'accord. C'est pas le titre que tu mets en boîte, quoi. Non mais c'est un titre de chill. D'accord. Tu chilles. Ouais, c'est bien parce que t'es mon patron que je dis pas que je me fous en l'air si ça passe à l'antenne. Christina, t'as quoi, toi? Alors, moi aussi, j'ai un truc cool. Ça date de 1997. C'est P. Diddy avec I'll Be Missing You. Ah, trop bien. Ah, alors donc ça fait ton choix, toi, Déborah. Donc toi, Déborah, ah, si non. Tu votes Pididi ou tu votes Porcelaine de Moby? Ah, Pididi, clairement. Bon, d'accord. Bah, ça fait une voix pour Christina. Yes, merci. On te fait des bisous, Déborah. Bisous. Bon, bah, vous votez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votez sur la page facebook.com/brûlot dans la radio. Un like pour Moby si vous voulez écouter Moby avant 7h. Un like pour Pididi si vous voulez écouter Pididi avant 7h du matin. Battle du grenier uniquement sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. L'écouter dans quelques secondes, il sera là ce matin en live, 9h moins le quart. Restez ici, je sais pas si vous avez vu cette info qui disait qu'en Russie, ils avaient décidé d'interdire YouPorn et Pornhub, ah ouais, deux plateformes de streaming de films porno. Ouais. Et, pour quel motif? Et ben justement, je sais pourquoi. C'est un truc de dingue, ouais, vous allez voir. C'est un vrai truc de dingue. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on accueille Aude. Bonjour Aude. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Salut. Bonjour. Aude, elle est bordelaise. Et Aude, elle a une histoire à nous raconter. On avait lancé ça il y a quelques mois dans l'émission Bruno dans la radio. C'est le Moment Love. Moment Love, c'est une histoire d'amour qui est originale, qui n'aurait pas dû avoir lieu et qui a eu lieu. Comment s'appelle ton chéri Aude? Jean-Luc. Ah, Jean-Luc, c'est un bon nom de chéri. Ouais, de 55 ans, mais... C'est mignon, c'est petit. Non, ouais, oh, bah, c'est, oh, c'est mignon. T'as c'est mignon. Mon père, il s'appelle Jean-Luc en plus. Raconte-nous l'histoire avec Jean-Luc. Alors, Jean-Luc et moi, nous sommes voisins depuis tout petit, et nous sommes allés à la même école primaire, Et malheureusement, on ne pouvait pas se voir. Mais quand je dis pas se voir, c'était à se crêper le chignon à l'école. Ouais. Et lui m'appelait pour le charme et moi je l'appelais pissotière. C'est classe. Voilà. Et on est toujours resté à la même école, on n'a que 2 ans d'écart. Et maintenant, ben, ça va faire 19 ans qu'on est ensemble, 12 ans de mariage et 2 enfants. Mais attends, à quel moment vous êtes sortis ensemble du coup? Alors j'avais à peine 15 ans. C'est mon premier amour. Non. Mais attends, ça veut dire que t'as pas vu le loup avec un autre garçon? C'est ça. T'as connu que lui, mais je trouve ça dingue. Mais ça existe, hein? Bien sûr. Il y a que le loup de Jean-Luc hein, pour elle, donc. Mais attends, et lui, c'est pareil de son côté? Non, il y a eu quelques histoires avant, mais pas beaucoup, parce qu'elle a à peine 17 ans, donc. Je trouve ça dingue, oui, Elliot. Ça pue la crise de la quarantaine, tout ça. Mais non, ça existe. Il n'y a pas de raison, justement, il faut innover dans le coup, il ne faut pas rester dans le truc rébarbatif. Oh, ça sent le club échangiste. Ouais, ah non, alors ça, pas du tout. Ne te justifie pas, on a compris, va. Aude, on te fait des bisous, ma belle. Moi aussi, gros bisous. Amusez-vous bien tous les 16. Moi, j'aime bien ces histoires, ces moments love. Quand vous avez des histoires comme ça à nous raconter, n'hésitez pas à vous appeler le 3228 ou alors vous allez sur la page Facebook. Sur Twitter aussi, vous pouvez dire allez, appelez-moi avec le hashtag Bruno Fun Radio. On revient en direct là sur Fun Radio juste après ça. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go. Le son Dance Floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio Fun sur funradio.fr. I may be selfish, but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. Give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah, oh yeah. You know all the other men, baby. They won't treat you like I could. Stop your searching around. I can't do this anymore. So give me your love. Sérieusement, il y a une case qui vous manque, quoi. Bruno dans la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio. 6h48, c'est Fun Radio. Kungs. Il sera avec nous en direct tout à l'heure, 9h moins le quart. On va écouter la Don't You Know dans quelques secondes. Et puis Battle du Grenier qu'on a lancé là, il y a une vingtaine de minutes. L'occasion pour vous et pour nous de réécouter des vieux titres qui passent plus forcément sur Fun. Vous choisissez entre deux titres ce matin en votant sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. On vous les a mis en ligne. Vous avez envie d'écouter mon choix, vous likez Moby. J'avais dit que c'était un choix à la cool. Ouais. J'ai l'impression que je suis parti tout seul dans mon délire au regard des votes, mais c'est pas grave. Donc laissez-moi kiffer cet extrait de 20 secondes. Vas-y, vas-y. Parce que, a priori, pour l'instant, on n'en écoutera pas plus. En même temps, ça sent que le mec est pas bien dans sa vie. Je chante tout doucement, ma femme m'a quitté. Voilà. Donc, si vous voulez écouter Moby, vous likez Moby. Si vous voulez écouter le choix de Christina, vous likez PDD. Bon, c'était cool aussi. Plus connu, peut-être. C'est sûr, même. C'était un tube énorme. Bah, Moby aussi, hein. Mais je l'écouterai chez moi, j'ai pas vu. Hein. Je comprends bien ce qui se passe. Je vous vois venir. Bon, il reste encore 5 minutes pour voter. Facebook.com/Bruno dans la radio. Vous avez vu cette info qui est parue ce week-end? On a appris que, en Russie, ils avaient décidé de censurer désormais Pornhub et YouPorn, qui sont deux sites, deux plateformes de films de cul. Mais comment ils vont faire, du coup? Je sais pas. Pour les supprimer? Ouais. Bah, à Fun Radio, ils ont réussi, par exemple. Ils ont bloqué, enfin, pas les deux, ils ont bloqué le calme YouPorn, je crois. Oui. Parce que... On va pas rentrer dans les détails de votre vie privée ici au bureau, les amis. Je voudrais vraiment vous orienter sur ce truc-là pour vous demander, d'après vous, pourquoi ils ont supprimé YouPorn et Pornhub en Russie? Parce que les gens passaient trop de temps dessus et travaillaient pas assez. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a trop d'actrices américaines et vu que les rapports entre les États-Unis et la Russie sont moyens? Non, rien à voir. Non, c'est que c'était trop long peut-être à écrire et eux, ils sont dans la rapidité. Bah, vu qu'ils sont bourrés, les Russes. Les clichés. Merci. C'est trop long à écrire. Merci. Elliot, quand vraiment t'as pas de réponse, plutôt que d'improviser un truc nul, dis rien. Je pense que c'est mieux. Je l'avais écrite hier pourtant ça. Parce qu'il y avait justement trop de filles russes qui allaient sur ces sites pour faire des vidéos, non? Non, alors ouais, elles sont dans les sites. Hein, ah les filles russes. Ukrainiennes, c'est mes favorites. Pas mal. En fait, ils ont fait ça parce que d'après eux, c'est ce qui a lancer la baisse de natalité en Russie. D'accord. En fait, les hommes, plutôt que d'honorer leurs femmes, exactement. Ils vont sur ces sites et le font tout seuls, du coup. Et exactement. Oui. C'est-à-dire que voilà, ils se sont rendus compte que sur le sopalin, ça donnait moins d'enfants. D'accord. Et donc, c'est pour enrayer la baisse de natalité en Russie qu'ils ont pris cette décision. On va supprimer Pornhub et YouPorn. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ils ont raison parce que moi, ça m'arrivait au début de mon couple. J'allais trop sur ces sites-là. Ouais. Et donc, le soir, du coup, ça marchait pas avec ma copine. Bah, et oui, je n'arrêtais pas de me faire engueuler. Donc, j'ai dû réguler. Je sais que c'est que deux fois si je veux que ça marche le soir. Et vu que j'arrivais le soir et je me la foutais sur l'oreille une fois sur deux, bon, du coup, maintenant. Merci, je vais Elliot. Sur YouPorn. C'est vraiment mignon cette vie de couple. Chérie, je vais faire les courses. Cool, je vais pouvoir me masturber. Reviens pas trop vite. La vie, la vraie. Elliot Chemlek. C'est quand elle prend un bain en fait. Ah oui. Merci. Ok, ok. Il sera avec nous tout à l'heure, 9h moins le quart. Kungs sur Fun Radio. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't you know? I'm gonna rock. sur Fun Radio dans 6 minutes. Il sera 7h du matin. Le JPI sur Fun Radio. Journal Point d'Image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Il est impossible de se lécher les couilles. Mika, c'est les coudes. Ah oui, aussi, c'est vrai. Ouais. Politique, cela fait 4 jours que Jacques Chirac est hospitalisé pour une infection pulmonaire. Très affaibli, son entourage est très inquiet. Entre Jacques Chirac et la disparition de la prise jack de l'iPhone, sale temps pour les Jacques, hein. Justice, depuis hier, l'animateur de crime sur Énergie 12, Jean-Marc Morandini, est en garde à vue à la brigade des mineurs. Apparemment, il ne fait pas qu'animer crime, il les commet aussi. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans voiture. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Justement, je roule en voiture. C'est génial, il n'y a personne sur les routes. Mais c'est la journée sans voiture. Vous en faites quoi de l'environnement, Anthony ? J'en ai rien à foutre. Merci pour votre implication, Anthony. Et pour finir, si vous aimez les humoristes et les religieux, découvrez Muriel Rabin. Voilà, c'est la fin du JPI. À tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Il y avait deux choix ce matin. Battle du grenier, soit Moby... C'était mon choix. C'est beau. C'est bien ce petit Moby. Soit P. Diddy, d'ailleurs on dit P. Diddy, mais à l'époque c'était Puff Daddy. Principe de la battle du grenier, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui votez sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. Bon, puis alors là je peux vous dire que... On est sur du 75% contre 25%. À peu près. Ça s'appelle une petite branlée. Allez, c'est Puff Daddy qui a été choisi. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. L'ancienne, mais ça fait du bien. Puff Daddy et IMT qui arrive là sur Fun Radio juste après les news et le Vaché Time. A tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance électro, c'est Fun Radio. Save me, save me. The Parakeets. Feder. Sound of Ledger. Felix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Ça y est, Daniel, je prends des cours d'œnologie. Vous? Ah oui. Vous feriez mieux d'aller chez U directement. En ce moment, c'est l'incontournable, la célébrissime foire au vin des magasins U. Et là-bas, les connaisseurs du club des vins et terroirs vous font partager leurs coups de cœur. Comment ça, ils me les font partager? Avec leurs petites collerettes violettes, eh ben, vous êtes certain d'avoir un bon cru au meilleur prix. Chez U, pour choisir un bon cru, pas besoin de nez, il suffit d'avoir l'œil. C'est jusqu'au 1er octobre. Dans les magasins U participants, liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas, prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Bougez pas, Bruno. Bienvenue sur Fun Radio. Fun Radio, la seule radio qui organise le casse du siècle. Ça va se passer ce matin une nouvelle fois. Nous allons choisir un auditeur ou une auditrice qui va partir avec nous le 30 septembre prochain, faire l'émission en direct du centre Cdiscount à Cestas. Et pendant une minute, il pourra prendre ce qu'il veut dans l'entrepôt. C'est classe ou pas? Ça va se jouer ce matin sur Fun Radio. Fun Radio. Le son Fleur. Jeudi 22 septembre, les infos, c'est en deux minutes avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo. C'est le début de l'automne et pourtant, il fera beau aujourd'hui presque partout. Quelques nuages le long des côtes de la Manche avec un peu de pluie. Il fait 9 à 14 degrés ce matin. Ce sera toujours très doux l'après-midi. 17 à Cherbourg, 21 attendu à Bayonne, 22 à Clermont, 23 pour Paris et Lyon, jusqu'à 26 degrés à Nîmes. L'école obligatoire jusqu'à 18 ans, l'idée a été lancée hier par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Elle souhaite ainsi lutter contre le décrochage scolaire. L'État pourrait obliger les jeunes jusqu'à 18 ans, sans emploi ni qualification, à poursuivre leurs études. 80 000 décrocheurs seraient réintégrés et 5 à 7 000 postes de profs supplémentaires créés. Victime d'un coup de fatigue, elle doit souffler, récupérer. Bernadette Chirac a été hospitalisée hier à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Son mari, l'ancien président Jacques Chirac, est en observation dans le même hôpital pour une infection pulmonaire. Leur famille appelle au respect de la vie privée. L'état d'urgence décrété en Caroline du Nord. La garde nationale est déployée ce matin pour aider la police locale de Charlotte après une deuxième nuit de violence. Un homme a été blessé par balle lors d'échauffourées. Les manifestants dénoncent une bavure policière à l'encontre d'un homme noir de 43 ans tué mardi. 1 800 €, c'est ce que paye en moyenne un élève qui souhaite passer son permis de conduire. L'association UFC Que Choisir a dénoncé hier les trop nombreuses sorties de route des professionnels du secteur. Elle pointe du doigt notamment les prix des heures supplémentaires. En football, c'était la fin de la 6e journée de Ligue 1. Hier soir, Nice a battu Monaco 4-0 et prend la tête du championnat. Lyon retrouve la première moitié de tableau grâce à un succès 5-1 contre Montpellier. Marseille, en revanche, coule à la 15e place en perdant 3-2 sur la pelouse de Rennes. À noter la bonne performance de Bordeaux à Metz sur le score de 3-0. Ça va faire plaisir à vacher. Vous êtes sur Fun Radio. Bruno dans la radio continue. Fun Radio. Je dis, c'est le 22 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 7h04. Bonjour! Bonjour! Vous écoutez la première radio Dance Floor de France. La demi-heure qui arrive, ce sera avec AMT dans quelques secondes. Call Your Name. Le nouveau Pitbull avec Florida. Green Light. Et avant 7h30, Sib, ça s'écrit S-E-E-B, Sib, c'est ça? Control, control, control, control, control. On a été les premiers en France ce matin à vous diffuser, c'était avant l'émission. En fait, on a pris l'antenne à 6h moins le quart juste pour vous diffuser le nouveau The Weeknd. Produit par les Daft Punk. On le remettra ce matin, un nouveau Weeknd qui est juste une bombe. Vraiment, on a craqué sur ce morceau. L'équipe de Bruno dans la radio est là ce matin. Il y a Christina. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Bonjour. Il y a Elliot. Je capte ma. Ah, Elliot passe sous un tunnel. Oui, c'est bon, je suis sorti. Bonjour Bruno. Ah, il a un point où il oublie même d'ouvrir son micro. C'est ça, vous savez, ouais, l'exercice. Mais... Je vous le dis, voilà, si vous ne connaissez pas très bien comment ça se passe la radio, ouvrir son micro. On a chacun devant nous un bouton rouge sur lequel il faut appuyer. L'effort est trop grand pour Elliot. Appuyer sur le bouton rouge, c'est non. tout un sport pour lui le matin. Vous comprenez pas, les en amis. En fait, il lance son doigt vers devant et si son doigt est trop court, si il atterrit un peu avant, il fait pas l'effort d'aller plus loin. Il se dit c'est tant pis. En fait, pour foutu. Son index, il fait un peu comme dans un film, tu sais, un film de guerre. T'as l'index qui est en train de ramper en disant je vais y arriver au bouton. T'as les autres doigts de la main qui sont à côté, t'as l'index qui est en train de tirer, et t'as la majeure, l'annulaire, le pouce qui disent vas-y mec, oui, je vais y arriver. Oh, vous êtes moche, j'arrive vraiment même au meilleur tout le temps, la plupart du temps. Alors. Non, ça n'arrive pas au meilleur. Allez, Vaché Time. Bruno. Oui. Je viens de m'apercevoir sur Twitter, grâce au hashtag Bruno Fun Radio. Je le répète souvent, mais c'est vrai que c'est grâce à ce hashtag qu'on peut faire mieux connaissance avec vous. On voit vos messages, ça marche aussi sur Instagram, bien sûr, et puis sur la page Facebook. Et donc je me suis aperçu qu'il y avait un compte Twitter fan du Vaché Time. Ouais, je viens de le découvrir aussi. Ils sont combien de followers sur le compte? Franchement, j'aime pas me la péter et tout parce que ça fait genre je parle de moi. Mais il y a quand même sur ce compte 7 abonnés. Ah, écoute, je peux comprendre que tu te la pètes. Je tiens à vous dire qu'hier soir quand j'ai regardé, il y en avait 6. Donc si on prend à peu près un abonné toutes les 6 heures, je peux vous dire que dans 100 ans ça va cartonner. Non mais merci beaucoup, c'est peut-être un petit garçon qui a fait ça ou un vieux monsieur, j'en sais rien. Mais non, mais il est génial, mais il est touchant en plus parce que tout à l'heure il a voulu annoncer le Vaché Time. Ouais, il a marqué tu peux lire le tweet. Le Vaché Time arrive dans 15 minutes, nous n'en savons pas plus sur le contenu. C'est trop mignon. Et bien justement, le contenu, vous allez l'avoir maintenant. Vaché Time, vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Et c'est le chevalier de la bonne humeur qui revient dans le Vaché Time. Alors, c'est quoi la mission du chevalier? Il appelle des gens pour les mettre de bonne humeur parce que c'est vrai que le matin on est un peu, on fait la gueule. Ouais. Quoi. Et lui, il s'est dit, pour mettre les gens de bonne humeur, on fait quoi? On leur raconte des blagues. Ça devrait marcher normalement. Et on se rend compte qu'en général, ça marche pas des masses, quoi. On écoute. Allô. Bonjour, je suis le chevalier de la bonne humeur. Je vous appelle pour vous mettre de bonne humeur en vous racontant une bonne blague. Puis-je? Oui, allez-y. Alors, comme thème de blague, vous voulez animaux, alcool ou chatte à la voisine? Alcool. Très bien. Quelle est la différence entre un 69 et un Ricard? T'as rien à faire aujourd'hui? Avec le Ricard, on a la tête dans la Nice. Un compte de tarasse. Allô? Avec le Ricard, on a la tête dans la Nice. Tu raccroches? Quel plaisir de propager la bonne humeur. Tu commences à m'énerver déjà, il n'y a pas de bonne humeur d'ici. Mais pourquoi vous vous énervez contre moi, monsieur, alors que je suis juste un petit rigolo qui touche des nichons en faisant... Et parce que sinon je vais niquer ta mère. Oh, vous préférez pour qu'on se réconcilie une blague de Toto? Je préfère de niquer ta mère. Oh, mais dis donc. Allez, une dernière et on reste bons amis. Je m'en bats les couilles ton dernière. Un spermatozoïde dit à l'autre, dit, c'est encore loin les ovaires? L'autre répond, bah tu parles, on est qu'aux amygdales. Ils sont dans la bouche en fait. C'est pas du tout par là qu'on fait l'amour. Nique ta grand-mère. Oh là là. Tout dans la classe et dans la légèreté, Vaché. Je voudrais te féliciter et j'ai une pensée pour les gens qui arrivent pour la première fois sur Fun Radio ce matin et qui se disent « Ah, enfin une radio qui élève le débat. » Bientôt, la fête des grands-mères, n'oubliez pas. Tiens, je vais vous parler d'un truc. Je suis tombé sur une association un peu bizarre. Tinder, vous connaissez Tinder? Oui. Qui vient de s'associer avec Spotify pour draguer en musique. Et là, vous allez me dire comment ça se passe. En fait, il faut que les abonnés Tinder choisissent un morceau, celui qui les représente le mieux. Eh ben, j'ai envie de vous demander ça. Là, vous réfléchissez 3 minutes. C'est quoi le morceau qui vous représente le mieux? Et on peut demander là aux auditeurs de Fun Radio 3228. On va s'écouter des titres après AMT tout de suite. C'est sur Fun Radio. We'll stay together always. True love forever will stay. No matter what they say, yeah. We'll live our life the same way. Je rêve qu'elle de jour comme. sur Fun Radio. Green Light, Pitbull, Florida, ça arrive. On aura le nouveau Sia avec Kendrick Lamar là, qui va arriver avant 8h du matin, qui est une bombe. The Greatest. Et puis cette info que je vous filais, est-ce qu'il y a des gens, bon maintenant vous êtes tous maqués dans l'équipe donc normalement non, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Tinder dans l'équipe? Je peux pas balancer. Il y a peut-être quelqu'un ici autour de cette table qui est sur Tinder. Tinder. Non, moi je me suis jamais inscrit parce que je me suis maqué. Mais alors, qui dans l'équipe est sur Tinder? Non, mais en fait, pas balancer Elliot. Non, tu pourrais pas dire que c'est Elliot, il a une. Mais non, mais arrête, c'est parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité maintenant juste pour traîner avec des potes. À la place d'une meuf, t'as 3 ou 4 personnes et tu tines un groupe d'amis. Oui. Elliot, ta meuf avale cette excuse. Et est-ce qu'on peut faire un montage qu'on garde que pour nous où on enlève la fin de la phrase? Tinder. Christina, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Tinder. C'était une appli de rencontre, en fait. Voilà, t'as envie de rencontrer quelqu'un, tu te mets sur Tinder, en fait, tu peux matcher des mecs. Bon, c'est très physique, hein, c'est site plaît, tu matches avec eux. Et s'ils te matchent en retour, bah là, après, vous pouvez entamer la discussion et vous rencontrer. Souvent, c'est quand même pour niquer, on va pas se mentir. Souvent. Beaucoup. Ouais. Et donc, ils ont rajouté un truc, ils sont alliés avec Spotify et tu peux désormais, sur ton profil Tinder, mettre ton hymne. Ton hymne, c'est la chanson, d'accord, qui te représente le mieux. Hein? Par exemple, Elliot, là, toi qui es sur Tinder, donc, si tu devais mettre ton hymne, la chanson qui te représente le mieux, c'est quoi? Bah moi, tu sais quoi, je mettrais sans vanne René La Taupe. Gros. Ça me représente pas mal, non? Ouais, pas mignon, mal, mais c'est pas gros, mal. Ouais. Arrête, t'es dur avec toi-même. Mais doux, t'es mignon. T'es chier, vaché. Vous savez quoi? C'est un exercice pas facile. Christina, vaché, vous me trouvez le morceau qui vous représente le mieux votre hymne. D'accord. Et si vous êtes là en train de nous écouter et que vous avez un hymne original aussi à nous proposer, peut-être pour l'équipe en fait. Est-ce que vous pourriez soit pour vous ou alors pour l'équipe dire tiens, quel titre pour vous, quel hymne définirait le mieux quelqu'un de l'équipe? 32-28, on fait de la radio ensemble. Bruno, allô, paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h15, 8h15, Fun Radio est la seule radio en France à payer vos factures. Comment ça se passe? Alors, soit vous l'envoyez par mail, vous la scannez, vous l'envoyez à facture@funradio.fr ou bien vous l'envoyez par courrier. C'est à Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008, Paris. Et si on vous appelle en direct le matin, facture offerte, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. On part à Angerville, la campagne. C'est dans l'heure. On part chez Mélanie. Oui, allô? Mélanie. Oui? Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Il a passé ta journée dans l'oeil. Mélanie, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno dans la radio. Oh, oh, oh, oh. Comment ça va, Mélanie? Ça va bien. Mélanie, tu fais quoi dans la vie? Tu as quel âge? J'ai 27 ans et je suis comptable. D'accord, tu prends le boulot à quelle heure ce matin? Je prends à 8h. À 7h15, on en est où? On est sur le maquillage? On est sur quoi, là? C'est à peu près ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. On est sorti de la douche, on se maquille. On se dit, j'espère que la chanson du jour va pas me faire chialer, parce que sinon je suis maquillé, c'est la merde. Voilà, d'ailleurs, l'alerte primelle, hein. Hier, c'était un peu... Oui, mais c'était pas prévu hier, l'alerte primelle. Ouais. On n'avait pas prévu que ça allait pleurer. Normalement, ce matin, ça pleure pas. Mélanie, tu m'as envoyé une facture de 169,18 €. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un ensemble de lingerie que j'ai acheté sur mesure parce que je fais un petit 90G. Oh. Et donc, c'est pour mon conjoint. Ah. Attends. Lingerie sur mesure, c'est-à-dire qu'on fabrique la lingerie en fonction de tes mensurations? Ouais. Mais 90G, excuse-moi de te le dire, mais c'est énorme. Un petit peu, ouais. Je trouve pas ce que je veux dans les commerces. Mais surtout, ça veut dire que t'es toute fine avec une très grosse poitrine. C'est ça, en fait. Ouais, j'ai un petit ventre, donc ça se voit moins, du coup, mais voilà. Ouais, non, c'est pas mal. Je me plains pas. Waouh! T'es en train de lever la main pour prendre la parole. Si c'est pour demander une photo. Non. Ça sera après, hors antenne, quand j'irai voir Aurélien du Standard. Prends le téléphone. Non, moi je veux savoir, est-ce que alors tu peux vraiment casser des pastèques avec tes seins? Ah,

et elle veut passer par Fun Radio pour le faire. Petit extrait de la chanson, ce sera tout à l'heure, à 7h30. Si je te dis que le cap je veux le passer, si je te dis que j'ai enfin envie d'assumer, si je te dis que j'ai très envie de te baiser, la main pour te courtiser. Oh là là, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu tellement peur aussi. Ne mettez pas des points ou des virgules à des endroits où ça gêne tout le monde. Ce sera tout à l'heure, 7h30, 7h22. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Tinder et Spotify s'associent. Désormais, vous allez pouvoir sur votre profil Tinder mettre la musique qui vous définit le mieux. Voilà, le truc qui sera votre hymne pour que les gens, en plus de votre photo, se disent « Ah bah tiens, sa chanson correspond à un truc qui peut me faire kiffer ». J'ai demandé à l'équipe. Elliot me disait que pour lui, c'était René Lataupe. Oui. Parce que mignon, certes, mais gros. Mais voilà, donc ça, c'était pour Elliot. On peut être gros et mignon. Enfin, bien sûr. Ça sert de coussin et tout. Elliot, tu es très beau. Et t'es pas si gros. T'es pas gros d'ailleurs. Non, et puis t'as des yeux magnifiques, t'as des lèvres pulpeuses, t'as la peau douce. Quand on te fait des bisous dans le cou en soirée, on sent que tu sens bon. Merci, tu dis jamais non quand on veut dormir avec toi. Tu sais garder les secrets. Enfin, tu vois, je sens qu'avec toi, tout est protégé. Il n'y a pas de blague. Tiens, Vacher, si je devais te demander de choisir ton hymne, la chanson qui te définit le mieux, ce serait quoi? Alors, c'est un truc totalement canard à fond, mais j'assume. C'est When I Was Your Man de Bruno Mars. Ouais, une histoire chiante de couple, je sens. Ouais, en fait, j'avais déjà dit une fois, c'est un truc qui a changé ma vie. Parce qu'en fait, il faut savoir que ma femme actuelle, qui attend un enfant de moi, normalement, on s'est séparés il y a quelques années. Ouais. Et avant qu'on se sépare, j'étais vraiment un enfoiré. Et avec toutes mes copines d'avant, j'étais vraiment le genre de mec qui s'en foutait, quoi. Et en fait, cette séparation a été le déclic, quoi, de me dire, c'est vraiment la femme de ma vie. Et c'est en entendant cette chanson que je m'en suis rendu compte. Parce que le mec, il parle justement de son ex qui danse avec un autre gars, il est pas content et il faut qu'il lui achète des fleurs. Bon, j'ai pas acheté des fleurs, ça coûte cher, mais je me suis remis avec elle. D'accord. Ça m'a vraiment changé. C'est trop mignon. Christina. Moi, la chanson qui me représente bien, c'est une chanson de Michael Jackson. C'est Don't Stop to Get It Enough. Ouais. Voilà, je n'arrive jamais à le dire. Attends, je suis désolée. Si, moi, j'aimerais bien que, avant que tu lances le titre, quand même. Don't Stop Till Get You Enough. Je crois que c'est dans ce sens-là. Don't stop Till Get You Enough. Allez, tout le monde. Écoute, regarde. Don't stop to get it. Don't stop to get it. Je trouve que ça me représente bien. Non mais c'est vrai parce que elle est heureuse, elle est comme moi cette chanson, elle est la joie de vivre et je crois, si je suis pas tout à fait bilingue, mais je crois que ça veut dire ne t'arrête pas tant que t'en as pas assez. Exactement. Bah, ça me représente. Don't stop to get it. Don't stop to get it. Exactement ça. C'est bon. Allez, 32-28. Bonjour Aurélia. Bonjour la famille. Bonjour. Aurélia, t'as 21 ans, t'es à Lille, c'est ça? C'est ça. Tu fais quoi dans la vie? Je vends des fringues. D'accord. À Kiabi. D'accord, très bien. Oh. Aurélia, alors toi, t'as choisi l'hymne pour quelqu'un de l'équipe. Oui, pour toi Bruno. Ah, alors, d'après toi, qu'est-ce qui me représente le mieux? J'ai besoin d'amour de Laurie parce que tu dis que tu fais jamais l'amour. Hey, mais tu sais ce que c'est, je me lève à 4h du matin, je me couche à 20h le soir. C'est pas... Moi, il faut auditeur de Fun Radio, voilà, je fais cette émission au détriment de ma vie sexuelle et alors. C'est ma croix. Mais merci Aurélia de penser à ma vie sexuelle en tout cas. De rien. Je te fais des bisous. Je me rappelle que la dernière sextape de Bruno, elle est en noir et blanc. Vous pouvez la trouver sur internet. Et d'ailleurs, on a gardé juste le générique de début pour que les gens, tu vois, se donnent une petite idée. Ouais, attention, dans quelques instants, Bruno Guillon va sortir son pénis. Yann, il est à Cormeilles-en-Parisy, c'est en région parisienne. Bonjour Yann. Salut la famille, ça va? Ça va bien. Est-ce que tu as choisi l'hymne de quelqu'un de l'équipe? Ouais, j'ai choisi l'hymne de Meryl. Meryl du web. Bonjour Yann. Salut, c'est très pour moi le Zizi de Pierre Perret. Ah hein? Et pourquoi donc? Comme c'est mignon. par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur le vaisseau Meryl. Ah oui, c'est écoute, vrai que c'est pas la dernière Meryl. T'es pas loin. J'en sais déjà pas mal. Réalité, ouais. Elle a déjà vu le Montpellier, le gros. Enfin, elle en a visité quelques-uns. Je peux vous dire, depuis qu'elle arrive à Paris, je le dis à sa famille qui écoute la radio ce matin, c'est pas la dernière. Non. Elle ne sait pas dire non, en fait. Elle ne sait pas dire non. Elle va sortir un guide, là. Alors, pas le guide du routard, ça existe déjà, mais le guide du queutard, elle nous a dit. Merci, Yann, en tout cas, mon pote. Je vous sortirai le mien tout à l'heure. Ouais. Je parle de l'hymne. Ah oui. Alors moi, vous allez vous foutre de ma gueule. C'est pour ça que j'ose pas le sortir. Ah bon ? Mais oui. C'est un vieux truc ou quoi ? C'est au-delà du fait que c'est un vieux truc, c'est une chanson, un message. Ah d'accord. Ah, d'accord. Promis, on te jugera pas, Bruno. Non, on verra. J'ai des doutes. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Il y a un beau message dans la chanson du jour là aujourd'hui, vraiment, restez ici, on a une déclaration d'amour à faire entre filles. C'est la chanson du jour, ça arrive sur Fun Radio juste après les infos. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Imaginez-vous libre avec Boursorama Banque. Libre de ne payer aucun frais de tenue de compte et libre de profiter d'une carte bancaire totalement gratuite. Libérez des frais en fait. Libérez-vous de la banque. Essayez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 euros offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Voir détails des tarifs sur brochure tarifaire. Offre valable jusqu'au 12 octobre 2016. Détails de l'offre et des services sur boursorama-banque.com. Vert émeraude. T'as voyagé dans le temps ? Après rouge rubis et bleu saphir. Le monde est en train de plonger dans le chaos. Assistez au grand final de la saga Phénomène. Vert émeraude sur tous vos écrans DVD, Blu-ray et VOD. Et en ce moment, participez à la chasse aux émeraudes. Serez-vous l'un des 6 chanceux à découvrir une émeraude dans votre boîtier ? Avec Fun Radio. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20GB ouais. est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€ ? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20 Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Alice va tester à l'aveugle des sodas Lemon Lime. Le soda Sprite à 63 centimes le litre, puis le soda Lidl à 48 centimes le litre. Alice ? J'aime. Et ? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur le Sprite non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Sprite 95 centimes les 1 litre 5. Soda Lemon Lime Lidl 95 centimes les 2 litres. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bougez pas, Bruno. Il y a Justine qui a écrit à bruno@funradio.fr. Justine, elle est tombée amoureuse d'une fille qui s'appelle Amandine, sauf qu'elle sort d'une relation avec un garçon. Oui. Et donc là, elle a décidé d'assumer le fait d'être amoureuse d'une fille. Et c'est compliqué de faire son coming out. Et ben, elle va le faire ici, en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Le point sur l'actu de ce jeudi, 22 septembre, à l'info en 2 minutes avec Maxime Poulaouec. Salut Max. Salut Bruno, bonjour à tous, bienvenue sur Fun Radio. On commence par la météo, un temps ensoleillé pour ce premier jour de l'automne. Il y aura juste quelques nuages au bord de la Manche accompagnés de quelques gouttes. Les températures ce matin comprises entre 9 et 14 degrés. Pour votre après-midi, prévoyez encore des températures agréables, 17 à Brest, 20 à Aurillac, 21 à Lille, 22 degrés à Nantes, 23 à Paris et Lyon, jusqu'à 24 à Tarbes et 26 à Nîmes. L'objectif est de lutter contre le décrochage scolaire. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, a lancé l'idée d'une réforme hier. Elle veut rendre l'école obligatoire entre 3 et 18 ans. L'État serait obligé de trouver une solution à tous les élèves jusqu'à 18 ans, tant qu'ils n'ont pas accès au marché du travail, faute de qualification. Frayeur à la fac de Rouen, l'université a été évacuée et fouillée. Hier, un étudiant a contacté la police après avoir repéré un homme au comportement suspect ces dernières semaines. Il errait autour de l'établissement et prenait des photos. Interpellé et placé en garde à vue, il s'est avéré que l'individu était fiché S. La fouille de sécurité n'a quant à elle rien donné. Les appels et SMS surtaxés à l'étranger, c'est bientôt terminé. Bruxelles a indiqué hier la fin des frais d'itinérance dans les pays de l'Union européenne. En gros, vous ne serez plus taxé quand vous passerez un appel depuis l'Espagne ou l'Allemagne, par exemple, avec une carte SIM française à partir de juin 2017. Le grand cœur de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, et sa femme ont promis hier de verser 3 milliards de dollars dans la décennie à venir pour contribuer à la prévention et la guérison des maladies. Le couple fait ce don à la fondation qui a pour but de trouver des traitements contre les maladies infantiles, la fondation Zuckerberg. Le foot, Nice prend la tête du classement après 6 journées de Ligue 1. Les Aiglons se sont imposés hier soir contre Monaco sur le score de 4-0 dans le derby de la Côte d'Azur. Les autres matchs, 5-1 pour Lyon contre Montpellier, 3-2 pour Rennes face à Marseille, 3-0 pour Bordeaux en déplacement à Metz. 7h35, bon réveil sur Fun avec Bruno. Tous les matins. C'est Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Bienvenue sur Fun Radio, c'est jeudi aujourd'hui. Nous sommes le 22 septembre. Major Lazer. Ça va arriver là dans quelques secondes. Perfect Stranger, Jonas Blue. Et le nouveau Sia avec Kendrick Lamar. The greatest. On a de l'invité ce matin. Kungs. Et quoi, on va le chanter, parce qu'il vient avec son chanteur, je pense qu'on va le faire avec lui, le Island Rise, Gone Rise, Gannon's Rose, qui voit qu'on est bilingue. Ah ouais. Bien sûr. Je pense qu'on va le faire avec lui, il n'y a pas de souci. Oui. Tiens, hashtag Bruno Fun Radio, on est là sur Twitter. Il y a François sur Twitter qui dit en fait, si les mecs ne mentent pas, pour tous les profils Tinder, il devrait y avoir cette chanson. Je suis un chien, j'ai chaud, j'ai chaud. Bien sûr. Je suis un chien. C'est vrai que les gens vont sur Tinder pour choper. On a lancé ça tout à l'heure, on disait voilà, désormais sur Tinder, vous pouvez choisir un hymne, celui qui vous décrit le mieux. Et donc, j'ai demandé aussi de le faire pour les gens de l'équipe. Je vous sors le mien, vous vous moquez pas ? Vas-y. Promis, on te juge pas. Ah. Est-ce que c'est une chanson connue déjà ou est-ce que c'est un truc de ton répertoire qu'on va... C'est un truc, c'est un artiste français ouais, que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout Fun Radio, mais en fait, c'est le message de la chanson que je trouve génial. D'accord. Je vous passe un extrait et après, je regarde si vous vous moquez pas. Franchement, je m'ouvre à vous. D'accord. C'est le problème de cette émission, c'est qu'on dit la famille. On est devenus tellement proches, des amis, que moi, je me livre à vous, donc j'attends de vous que vous acceptiez. Du respect aussi. Non, mais pas de moquer. D'accord. Je vais peut-être aller dans l'autre studio, moi, du coup. Non, La chanson qui me décrit le mieux, c'est celle-ci. Vas-y. Que vive la flamme. Que vive la flamme. Pour à nouveau prendre feu. Et brûler jusqu'au bout. C'est une chanson super optimiste qui dit que voilà, même quand tout s'écroule autour de toi, si t'as un petit peu une flamme, tu peux encore reprendre feu et renaître. Ah, c'est beau. Bah, on comprend pas trop ce qu'il dit, ouais, prendre feu, moi j'ai eu peur au début. Je me suis dit que tu voulais faire une tentative chelou. Et on t'aime, hein. Ouais, tu restes avec nous, hein. Et frère. C'est quoi, je savais que je vais. En le disant, je savais qu'il fallait pas que je le fasse. Bon, allez, 7h37. On a comme un petit problème. Le jeudi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du jeudi. C'est une chanson d'Étienne Dao qui s'appelle Le Brasier. Allez, regardez les paroles, vous verrez, c'est magnifique. C'est fou comme il y a des musiques qui te rentrent dans la tête et ça l'a pas du tout. Je sais que je l'aurais oublié, bah, déjà. Faites sonner le claron pour Justine. Bonjour Justine. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Salut. Justine, 23 ans, on est à Dublin, ça se prononce comme ça ? C'est ça. C'est dans la Somme. Tu m'as écrit un super mail et c'est pour ça que je voulais qu'on te fasse ta chanson du jour aujourd'hui. 23 ans, tu m'expliques que tu sors d'une relation de 9 ans avec un garçon, d'accord ? Et en fait, depuis 9 ans, tu caches ton homosexualité à tes proches et puis à toi aussi. Tout à fait. Bah oui, parce que c'est compliqué, voilà. Et c'est vrai que dans les médias aujourd'hui, ça m'insupporte qu'on parle d'homosexualité en se disant c'est facile. Oui, c'est facile peut-être quand on est dans les médias et que y a une tolérance et puis dans une grande ville qui est pas la même que quand on est dans un petit village ou dans une petite ville où il y a encore de l'homophobie. Et je trouve que c'est bien d'en parler ce matin. C'est bien d'en parler ce matin parce que t'as rencontré une fille. C'est ça, il y a 3 semaines, ouais. Voilà. Avec qui t'éprouves vraiment quelque chose, sauf que elle est déjà tombée amoureuse d'une nana qui était pseudo-hétéro aussi, qui a pas franchi le pas, et qu'elle a pas envie de repartir dans une galère parce que elle est homo-affirmée et qu'à un moment elle veut vivre un truc et un vrai truc. Exactement, c'est tout à fait ça, ouais. Et donc ce matin, tu t'es dit, je vais passer par la radio pour lui faire passer le message, pour lui dire, ok, j'assume, j'aime les filles, voilà. Je t'aime toi et vivons notre relation ensemble. C'est bien ça ? C'est ça. J'espère que ça va marcher et en tout cas, merci d'avance. Bah on croise les doigts. Non mais moi je t'explique, le message m'a super touché. C'est pour ça que je voulais vraiment le faire à l'antenne ce matin. Parce que voilà, en 2016, je ne comprends pas comment on peut être homophobe en 2016. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vivent encore au Moyen-Âge. C'est ça. Et, oui, je suis totalement d'accord. Et je ne comprends pas aussi qu'on peut, voilà, quand il y a des mecs qui font les folasses à la télé, et que quelqu'un dans une petite ville de province, quand son fils lui annonce qu'il est gay, il est persuadé qu'il va se balader avec une plume dans le cul et des talons aiguilles, alors que c'est pas ça être homosexuel. Mon fils va mettre du mascara et des chaussures à talons. Mais non, mais ça me rend ouf. Je vous jure, ça me rend ouf. Justine, non, on fait la chanson à Amandine et puis après, on prend un peu de temps pour parler ensemble, d'accord ? Ok. Tu bouges pas. Au téléphone avec moi ce matin, il y a Amandine à Arras. Bonjour Amandine. Bonjour. Amandine, je m'appelle Bruno Guillon. D'accord. Tu es en direct sur Fun Radio. Oui. Et si tu es à la radio ce matin, c'est que j'ai un message à te faire passer, c'est une chanson. D'accord. Je veux que tu écoutes les paroles, puisque la chanson a été écrite spécialement pour toi et inspirée par un message que m'a envoyé Justine. D'accord. T'écoutes les paroles, on en parle après ? Ok. Eh ben c'est parti. Si je te dis que le cap je veux le passer, si je te dis... J'ai enfin envie d'assumer. Si je te dis J'ai très envie de te baiser la main pour te courtiser. Me diras-tu que t'es prête à t'engager? Me diras-tu que tu as envie de m'aimer? Me diras-tu que t'es super excitée pour avec moi enfin te lancer? Car en tout cas, c'est ce que j'ai envie d'entendre. Si c'est pas le cas, je resterai à t'attendre. Car là, crois-moi, je suis en train de me foutre à poil et Amandine de me livrer. Car Amandine, mon petit cœur, tu le fais vibrer et je n'ai qu'une envie, c'est t'aimer. Beau message. Oui. Amandine, est-ce que tu as compris les paroles de cette chanson? Oui. Bah, le mieux, c'est que ce soit Justine qui t'explique. Justine? Oui. T'es en direct avec Amandine, ma chérie. Bon, voilà, Amandine, écoute, j'ai cherché à te le dire plusieurs fois. T'es au courant que notre histoire, pour moi, elle me tient vraiment à cœur. Je veux que tu te rendes compte que vraiment, je suis prête à assumer tout ça. On s'est vu que deux fois, mais enfin, il y a un truc pour moi qui s'est passé et je veux que ça aille plus loin. Et que tu crois en moi et que tout ce que t'as vécu auparavant, tu ne reviendras pas une deuxième fois avec moi. Ouais. Bah là, du coup, Amandine, la question c'est est-ce que du coup, tu crois en cette relation ou pas? Putain, Justine! Mais oui, je t'ai dit que j'étais prête à l'assumer, je le fais dans des millions de fois. Mais putain, t'es sérieuse là? Ouais. Amandine. Je t'ai dit que notre relation nous tenait, enfin, vraiment, elle me tient à cœur et je suis prête à l'assumer. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui vont me reconnaître et enfin, j'en ai pas peur. Ça me fait du bien de le dire dans tout le monde. Ouais, moi, je trouve ça c'est beau. Courageux, ouais, c'est beau. C'est un bel exemple. Amandine, je comprends que du coup, tu te prends un peu ça dans la gueule comme un camion qui arrive vite. Ah non, mais grave, là. On te laisse respirer. On te laisse respirer 3 minutes et on vous reprend toutes les deux à l'antenne, les filles. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va ? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. À votre avis, ça coûte combien de se faire livrer à domicile et à volonté toute l'année? 49 euros? Et non! Sur Cdiscount, c'est seulement 19 euros. Avec Cdiscount à volonté, faites-vous livrer dès le lendemain et ça toute l'année, autant de fois que vous le voulez, des millions de produits pour seulement 19 euros par an. Cdiscount? Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Offre pour toute commande supérieure à 25 euros, soumise à condition, consultable sur Cdiscount. Juan va tester à l'aveugle deux cafés. Le café carte noire à 5,94€ le lot de 2 x 250 grammes, puis le café Lidl à 2,69€ le lot de 2 x 250 grammes. Juan, j'aime. Et j'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87€ le kilo. Lidl, 5,38€ le kilo. Le magique anniversaire de But continue. Et au grand jeu 100% gagnant, il y a 1 million de cadeaux mis en jeu. Moi, on me dit ça, j'y retourne. But, c'est nous. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voire modalité en magasin et sur but.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. Radio, la radio connectée avec vous sur Twitter, Instagram et Snapchat. Avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Non-stop. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. What's up, guys? It's Martin Garrix. This year, Fun Radio is the place to be. On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. 7h48, c'est Fun Radio. Dans une heure, il sera ici en live. Kungs. Rock'n'roll. Mais pour l'instant, nous revenons sur la chanson du jour. Avec le message que Justine a voulu faire passer à Amandine. Justine nous avait expliqué une vie compliquée, voilà, vécue avec un garçon pendant 8-9 ans. Elle cachait son homosexualité parce que aujourd'hui, en 2016, c'est triste. Mais en province, il est encore compliqué de dire qu'on aime les garçons quand on est un garçon, qu'on aime les filles quand on est une fille. Qu'on aime les chiens quand on est un homme. Ou qu'on aime, les deux, qu'on aime les deux ouais, aussi. Et vraiment, ouais, c'est le genre de truc, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'homosexualité à la télé et dans le milieu des médias, etc. Et c'est plutôt facile d'avouer son homosexualité quand on bosse en radio, à la télé. Et les gens de télé qui le font, je trouve ça très très bien. Le seul problème, c'est qu'il faut pas oublier qu'en province, c'est 100 fois plus compliqué. Ouais, pour l'instant, et le truc qui me rend dingue, et c'est vrai que je l'ai dit et je le redis et je le redirai, c'est les homosexuels qui font folasse à la télé et qui donnent cette image-là à des parents en province à qui leur fils va annoncer un jour qu'ils sont homosexuels et ils s'imaginent que le gamin va arriver en barésille avec une plume dans le cul. Et à un moment, je trouve que c'est aussi notre mission de faire comprendre que, ben voilà, on est en 2016 et qu'on peut... L'important, c'est d'aimer, voilà. C'est déconseillé, la plume, hein, ça doit faire mal. C'est pas bon, fait pour ça. Justine, donc, a expliqué, voilà, qu'elle voulait, pour une fois, dire, voilà, qu'elle assumait cette relation avec Amandine qui, elle, sortait d'une relation avec une nana qui, justement, était un peu à cheval entre les deux. Et donc, on a eu Amandine qui était un peu sur le cul, et donc là on lui a dit, bon écoute, on te laisse respirer pour que tu reprennes un peu tes esprits. Amandine. Oui. Bon. Est-ce que tu comprends quand même que dans la démarche, Justine, elle a fait un truc de ouf? Ouais, elle a fait un truc de ouf, ouais, en effet, ouais. Bah oui. Là on est quand même 2 millions à écouter la radio là en ce moment, donc c'est clair, pas anodin, c'est pas anodin. Oui. Bon, bah, Justine, moi ce que j'ai envie de te dire. Ouais, je t'écoute. T'abuses, franchement, t'abuses, attends, t'es foutu après. Mais sinon, donc, Justine, tu sais très bien, on verra bien, d'accord? Non, mais on verra bien, ça veut dire quoi? On verra bien. On verra bien, ensemble, nous deux. Mais okay. Oui, t'as vu. Eh, Bruno, elle a pris une voix un peu genre sensuelle, suave. Non, mais voilà, on verra entre toi et moi. Et ouais, mais en fait, hein, voilà, je voulais que tu te rendes compte aujourd'hui que je suis prête à l'assumer. J'attends pas une réponse directe de ta part, parce que je sais très bien que, voilà, il y a à réfléchir, il y a à voir, à apprendre à se connaître réellement, mais voilà. Aujourd'hui, je l'ai fait, il y a plein de monde, je pense, qui m'ont reconnu, et franchement, je m'en fous. T'es folle, mais je te jure, t'es folle, hein. Et ben, au moins, tu vois que je suis prête à le faire, et que je suis vraiment prête à pas te faire revivre une deuxième fois ce que t'as vécu auparavant. Bon, Amandine. Et que réellement, je tiens à toi. Le but, c'est pas d'étaler votre vie privée à l'antenne. Non, mais c'est juste qu'on sache si c'est positif quand même. Ouais, c'est ça, parce que j'arrive pas à savoir, moi. Ouais, est-ce que c'est positif ou pas, Amandine? Au moins, dis-nous ça. Et vous serez rien du tout. Bon, d'accord. Rien. Allez, ah, mais non, mais je peux comprendre. Allez, réservez. On vous laisse toutes les deux hors antenne, les filles, d'accord? D'accord, ouais. Et on vous embrasse. Justine. Oui. Tu nous tiendras aussi au courant, d'accord? Merci, Bruno. Merci, la famille. Je vous écoute tous les matins. Je vous kiffe. Et restez comme vous êtes. Et voilà. Merci. Merci et bravo. Tu sais quoi, moi je suis fier de ça parce que le plus important c'est l'amour, les amis. Voilà, c'est tout. Aimez-vous, faites-vous des bisous où vous voulez. Je pense que ça sent bon quand même parce qu'elle l'a pas basé. Mais oui, c'est vrai, ça sent bon. Mais après, voilà, t'es en direct à la radio, t'as pas forcément envie. C'est pas facile. Bah, bien sûr. Dites-nous ce que vous en pensez, chanson du jour. Hashtag Bruno Fun Radio, la famille. Major Lazer tout de suite avec Justin Bieber. Et dans 3 minutes, le JPI. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. I will still be patient with you. says I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. C'est Fun Radio, bon réveil la famille, c'est l'heure du JPI. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour en image, c'est le faux journal de l'émission. C'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. À Paris, un jeune homme est recruté en tant que vendeur chez Désigual et perd la vue au bout de 2 jours. Et pour commencer, religion, c'est en une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. 65% des Français ont déjà été confrontés à des signes religieux à leur travail. Et on vous rappelle que si vous travaillez à la poste et que vous voyez un collègue au sol sur un tapis, ce n'est pas une prière qu'il fait, mais une sieste. États-Unis, Donald Trump a mis en vente sa Lamborghini bleue. De son côté, Alain Juppé vend sa 106 Kid rouge. Le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie est sur toutes les lèvres. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement avec Brad Pitt. Ah, et ça va, le pauvre, il n'est pas trop abattu par la nouvelle ? Abattu ! Ça va ! Yeah ! Il est beau, il est riche, toutes les meufs le kiffent. Il va vivre seul, sans ses 1000 gosses et une femme qui fait tout le temps la gueule. Abattu, c'est pas le mot. Ouais, c'est pas faux. Merci Anthony, à dans une heure pour un nouveau reportage. C'est ouf, c'est le New York Post, je crois, qui est un quotidien américain qui est vachement lu, hein, qui en couverture a mis la tête de Jennifer Aniston en train de rire, qui est l'ex de Brad Pitt, ouais, qui s'était fait lourder à cause d'Angelina Jolie. Avec la date 2004-2014, ouais, pour la durée de l'histoire d'amour, ouais, entre Angelina Jolie et Brad Pitt. Ouais. Je trouvais ça assez dingue. Ah, c'est cocasse. Oui, merci. Et pour finir, si vous aimez les chanteurs qui cartonnent et les pneus qui crissent, découvrez Justin Bieber. Voilà. On présente les motards. Ouais. C'est un petit signe. 22 motards. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Je vous ai dit que je m'étais acheté un gilet airbag pour la moto ou pas ? Oui. Tout à fait. Mais bravo d'ailleurs. Que ça n'intéresse personne, visiblement. Ouais. Ouais, mais c'est pour faire représente, quoi, tu vois. Ouais, mais fais-le chez toi. Ah, bah, voici le nouveau Sia. I'm the youth, ayy, I am the greatest, ayy, this is the proof, ayy, I work hard, pray hard, pay dues, ayy, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I fell twice before, my bounce back was special, let downs will get you, and the critics will test you, but the strongest survive, another scar may bless you, I don't give up, nah, no, give up, nah, no, don't give up, no, no, no, nah, don't give up, I won't give up. I'm free to be the greatest here to know you. The greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest, the greatest Kendrick Lamar et Sia, nouveauté Fun Radio, ça s'appelle The Greatest. Vous restez ici, 8h10, je paye de la facture. Et puis brioche ou croissant, celle qui va choisir ce matin, c'est Clara Morgan. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Save me, save me. The Parakeet. Feder. Sound of Ledger. Felix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. En ce moment, avec les affaires Bricoman, des 800 euros d'achat cuisine, le plan de travail stratifié 3 mètres polyrets est offert. Offre valable du 23 septembre au 19 octobre 2016 sur caisson, façade, crédence, sévier, robinetterie, électroménager et autres accessoires cuisine. Plus d'infos sur bricoman.fr. Ayez le bon réflexe, rapportez votre marchandise en trop. Voir conditions en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Dépêchez-vous, ça commence! Les 6 jours grandes marques chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le pack de 6 bouteilles d'un litre 5 de Coca-Cola. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Standard ou zéro, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20Go est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€ ? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Le mois Carrefour continue et il y a encore plein de nouvelles promos complètement renversantes. Et aujourd'hui, par exemple, pour l'achat d'un lot de café moulu carte noire, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. Allez, viens, on y va. Oh, sensation forte garantie. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Lot de 3 paquets de 250 grammes dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur Conforama.fr. Bougez pas, Bruno! Les amis, le casse du siècle est en train de s'organiser avec Fun Radio puisque nous allons prendre d'assaut l'entrepôt Cdiscount à Cestas et on a besoin d'une équipe là pour aller récupérer du matériel. Et ben, bah, vous voulez vous inscrire, vous le faites maintenant, 3228. Fun Radio, le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce jeudi matin, c'est Max Poulaouec pour les infos. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On va commencer par la météo. Un temps toujours ensoleillé. Malgré le début de l'automne, il va faire beau quasiment partout, sauf sur les côtes de la Manche où les nuages résisteront et apporteront de la bruine. Comptez ce matin 9 à 14 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez 17 à Cherbourg, 21 à Lille, 22 à Nantes et Tours, mais encore 23 à Paris et Lyon, 24 à Tarbes et Ajaccio, jusqu'à 26 à Nîmes. 12 800 postes de professeurs supplémentaires à la rentrée 2017, c'est ce que prévoit le projet de loi finance pour l'année prochaine. Le ministère de l'Éducation assure ce matin que la promesse de François Hollande concernant la création de 60 000 postes de profs durant son mandat sera tenue. Éducation toujours, la ministre Najat Vallaud-Belkacem a lancé l'idée hier de rendre obligatoire l'école entre 3 et 18 ans contre 6 à 16 ans aujourd'hui. L'objectif est de lutter contre le décrochage scolaire. Pour faire simple, l'État sera obligé de proposer des solutions à un mineur sans emploi, faute de qualification. Dans le reste de l'actualité, la santé du couple Chirac, Bernadette a été hospitalisée hier à Paris pour souffler. L'ex-première dame assiste son mari, l'ancien président Jacques Chirac, depuis à plusieurs jours à l'hôpital pour une infection pulmonaire. Leur entourage appelle au respect de leur vie privée. Le permis de conduire, ça coûte trop cher. L'association UFC Que Choisir a dénoncé hier les trop nombreuses sorties de route des professionnels du secteur. Elle demande une révision pour faire baisser notamment les prix des heures supplémentaires. supplémentaires. En France, un élève paie en moyenne 1 800 € pour son permis de conduire. Le foot, on jouait hier soir la fin de la 6e journée de Ligue 1. Nice prend la tête du championnat grâce à sa victoire à 4-0 contre Monaco dans le derby de la Côte d'Azur. La star italienne Mario Balotelli a inscrit un doublé. À noter aussi la victoire de Lyon 5-1 contre Montpellier, celle de Rennes face à Marseille 3-2 et de Guingamp 1-0 contre Lorient. 8h04, bienvenue sur Fun avec Bruno dans la radio. Jeudi, nous sommes le 22 septembre, c'est Fun Radio, vous écoutez, il est 8h05, bonjour ! Vous avez choisi la première radio Dance Floor de France, mais quel bon choix ! Fini vos réveils d'habitude, vos réveils où l'animateur dit toujours la même chose au moment où vous prenez votre douche. Passe toujours le même disque ! Fun Radio, chaque matin, c'est tout le temps pas pareil. Et quitte à passer des artistes, autant les faire venir. Il sera en live dans moins d'une demi-heure, c'est Kongs. Et puis, c'est l'avant-dernier jour. Pour tenter de faire partie d'une équipe. D'une équipe de professionnels. Triés sur le volet. Qui va ni plus ni moins réaliser en radio le casse du siècle. Vous appelez maintenant le 3228. Dans une demi-heure, vous serez en direct sur l'antenne de Fun Radio. Vous allez jouer au jeu des 30 secondes. Vous allez choisir quelqu'un de l'équipe qui va tenter de vous faire gagner pour intégrer cette bande qui, le 30 septembre prochain, sera en direct de Sestas, à quelques kilomètres de Bordeaux, dans les entrepôts du numéro 1 du e-commerce en France, Cdiscount. Une fois sur zone, vous aurez une minute à l'intérieur du magasin pour prendre ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, sans aucune contrainte de quantité, de poids ou de prix. Mais une minute seulement. Un téléviseur, vous pouvez le prendre. Des iPhones, autant que vous voulez. Tant que vous pouvez les porter, vous pouvez les prendre. Mais en une minute. Vous voulez faire partie de cette équipe ? Les amis, vous appelez le 3228 et vous rejoindrez Christina. Bonjour à tous. Vous rejoindrez Vaché. Eh bien, bonjour. Vous rejoindrez Elliot. À votre service, mesdames, messieurs. On aura des épreuves sur place, un peu comme dans Mission Impossible. Moi, je veux voir Elliot, dans une combinaison en cuir moulante, descendre d'un filin pour voir ce que ça donne. Bon, comme dans Mission Impossible. Un filin, une corde. Hein, on va pas ouais. Ouais, bon, un câble. Une chaîne. Ouais. On va jouer dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est brioche au croissant. Chaque matin, nous prenons un invité qui, pendant une minute, doit faire des choix entre brioche et croissant pour commencer. Et ce matin, c'est Clara Morgan. Oh, ouais, Clara Morgan qui est notre invitée, elle sort son calendrier 2017, Clara, qui est une amie que j'embrasse, qui est maman d'une petite fille. Ah, Clara, ouais. Je l'embrasse plus alors. Et elle pose d'ailleurs avec sa petite sœur Alexandra cette année dans le calendrier. Ah bon ? Il vaut mieux qu'elle pose avec sa petite sœur que sa petite fille. Hein. Attends, mais genre, elles sont toutes nues entre sœurs ? Elles sont pas toutes nues, non elles sont. Les amis, elle a arrêté le porno, c'est du chic. Oui, mais on voit. On est sur du glam chic. Vois, pour le regarder un petit peu tous les ans, juste pour voir les dates, on voit quand même les tétés d'habitude. Non, là, on va voir. C'est sexy, disons. D'accord. Bon, allez, Clara Morgan, brioche ou croissant ? Brioche ou croissant ? Go ! Brioche, c'est moins gras. Avec ou sans gluten ? Avec, mais je mange bio. Chaussons ou pieds nus ? C'est un drame dans ma vie, je me la balade pieds nus constamment. Chocolat ou bonbon ? Chocolat noir. Legging ou collant ? Un legging à la limite, mais pas avec une robe dessus. Hein. Alors s'il n'y a pas de robe, legging. Pastille à la menthe ou chewing-gum ? Ni l'un ni l'autre. J'essaie de faire autrement, de me laver les dents par exemple, pour avoir une meilleure haleine. Nuisette ou pyjama ? Nu. Douche le matin ou le soir ? Les deux. Dentelle ou coton ? Dentelle. Vous savez à qui vous parlez ? Câlin dans un lit ou dans la cuisine ? Lit. Ah, oh, désolée. Je sais que ça fait pas rêver, mais mon lit, c'est ma vie. Gourmande ou raisonnable ? Je suis assez gourmande et donc faut que je sois très raisonnable quand j'ai besoin de l'être. En fait, je me rends compte de quelque chose, c'est que depuis que Clara a arrêté ce pourquoi elle a été connue au début, et ben en fait, quand t'écoutes ce brioche au croissant, la personne qui chauffe le plus, c'est Meryl. Oui, c'est vrai. Brioche au croissant. Calme-toi. Orange ou SFR. Un certain carte SIM. Allez, c'est Fun Radio et Sound of Legend, le remix de Eiffel 65. Blue. Toi, le jeune qui écoute Fun Radio, ça n'est pas une version originale. C'était ça l'original. Ah, Eiffel 65. Et c'est là où tu te dis qu'en annonçant ce truc, tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'on est vieux, les gars. Première diffusion en France, c'était ce matin. C'était sur Fun Radio. On a fait un truc ce matin qu'on fait rarement, mais on a même pris l'antenne à 6h moins le quart pour être sûr de le passer en premier avant tout le monde. Oui, c'est le jeu de qui pisse le plus loin. On a encore gagné. Starboy, c'est produit par les Daft Punk, le nouveau de Weekend. Là, ça va arriver sur Fun Radio. Tiens, rapidement, petite info concernant nos amis les bêtes et concernant surtout les chats. Ah hein. Nos amis les chats, à bon, nous ou pas à toi, Bruno. Oui, vos amis les chats, puisque les chats restent, vous le savez, de belles petites putes. Alors. Est-ce qu'il est mignon, Django, mon petit chat? En fait, il dort à mes pieds en ce moment. Oui, parce c'est un peu froid. Et le matin, en fait, il me met des petits coups de patte quand il y a mon réveil qui sonne, mais sans les griffes. C'est pour me réveiller, genre. Réveille-toi, papa. Réveille-toi. C'est vraiment, on est complices. Non, en fait, tu sais qu'il transmet la maladie que les chats ont dans les griffes, et même s'il te pique pas, ça se pose sur tes pieds. Et après, ça devient une gangrène. N'importe qui va grandir, quoi. Qui va grandir, ouais. Et puis d'ici un ou deux ans, on va t'amputer au niveau des genoux. En fait, si t'as la chance de vivre jusque dans deux ans, puisque de toute façon, ta femme va accoucher là dans moins d'un mois, ouais. Et qui va te tuer pour pouvoir adopter l'enfant. Voilà, je te le dis, moi après, moi je vous préviens. Moi, voilà. Encore une fois, on me jette la pierre par rapport aux chats, j'ai fait passer le message, après vous faites ce que vous voulez, tant pis pour vous. D'ailleurs, hey, quand je vous dis que les chats sont un peu des enfoirés, je vais vous montrer une photo, vous n'allez pas me dire que celui-ci vous fait pas peur quand même, les amis. Oh là là. Ah, j'ai vu ça voilà. Sur Facebook, c'est horrible. Je vous mets une photo sur tous les réseaux sociaux, ça vous donne l'occasion de venir nous rejoindre. Là, si vous ne nous suivez pas, comment vous pouvez vivre sur les réseaux sociaux sans avoir Bruno dans la radio, les amis? Il y a Instagram, il y a Twitter, le compte c'est Bruno Fun Radio, Bruno Fun Radio sur Snapchat, on y est aussi, la page facebook.com/Bruno dans la radio. Je vous montre la photo d'Herman. C'est un chat qui a les yeux surdimensionnés en fait. Il a une maladie. Il est mal formé en fait. En fait, il a la tête que pourrait les yeux que pourrait avoir Nabila en rentrant dans une bibliothèque. Tu vois, les yeux écarquillés quoi. Tu vois, il pourrait avoir cette tête là. Tu vois. Donc, on vous met la photo là sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. Oh, on dirait les yeux, tu sais, qu'on a dans les petits porte-clés qu'on peut avoir dans les fêtes foraines où on appuie, il y a une sorte de gel qui sort des yeux. Oui, exactement. Les yeux d'un animateur télé qui découvrirait tous les matins les audiences du quotidien d'Yann Martès, tu vois, en disant. Il a ces yeux-là. Exactement. D'accord. Allez, 8h15. Bruno. Allô ? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h15, 8h15, je suis le seul animateur radio de France à payer vos factures. Alors envoyez-les vos factures, tentez votre chance. Vous le faites soit par mail facture@funradio.fr ou bien vous pouvez aussi les déposer sur le site brunopayevosfactures.fr. Si on vous rappelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. On part à Fontaine-sur-Saône. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour, Marie. Allô ? Oui, Marie, tu m'entends ? Oui, bonjour. Bonjour, Marie. Oh. Marie, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio. Et ben, voilà. Dis donc, dans une pipe en bois. Elle parle comme un perroquet. Bonjour. Marie. Bonjour. Marie, quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Alors, j'ai 39 ans et je travaille dans un hôtel. D'accord, très bien. Tu fais quoi dans l'hôtel ? Je suis responsable hébergement, en fait. Et je comprends pas. Je m'occupe un peu de la réception et des étages. D'accord, ok. Et femme de chambre. Oui, t'es un peu une des bosses du délire, quoi. Un petit peu. Bah voilà, oui, non, mais il faut l'assumer à un moment. T'es une boss cool, t'es cool ou pas ? Ouais. C'est bien. Moi, je déteste les gens qui sont pas cool avec les techniciens et les techniciennes de surface. Et qui considèrent que c'est un métier en dessous de tout et qui leur parlent mal, ça m'énerve. Mais c'est dans beaucoup de boîtes, ça. Bah, genre, ouais, quand t'es cadre, tu dis bonjour au cadre. Par contre, tous les gars qui font le ménage, c'est pas vrai que c'est la première chose que je vous ai dit quand on arrive à la radio ? Si. Quand on arrive à Fun. Je vous ai dit, ouais, déjà, en premier, vous dites bonjour aux techniciennes de surface, aux femmes de ménage. C'est important. Et après, on monte. Mais t'étais pas là quand on arrive à Fun, t'es arrivé après. Ouais. C'est pour ça que t'étais ailleurs. Tu veux qu'on en parle ? Non, c'est bon. Elliot. Est-ce que toutes les bosses s'habillent en Hugo Boss ? Merci, Elliot. Ça marche. Bruno, par contre, on est obligé de dire bonjour à Elliot ou pas ? Bon, Marie, ma chérie, revenons à toi, puisque c'est un petit peu toi la star là maintenant. Tu m'as envoyé une facture. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette facture ? Alors, c'est une facture pour le goûter d'anniversaire de ma fille dans un accrobranche avec ses copains. Elle a quel âge, ta fille ? Elle a 7 ans. D'accord. Et goûter dans un accrobranche, c'est compliqué quand même à 6 mètres de hauteur de manger un gâteau au chocolat avec un jus de fruits ? Ah bah, c'est sportif, surtout avec des enfants. Hein. Bon, c'est un peu pareil au sol, en fait. D'accord. Okay. Tu sais que j'ai fait ça accrobranche. Moi, j'en ai fait cet été avec mon fils de 7 ans et demi, justement. C'est bien, moi, j'ai jamais fait ce truc-là. Il m'a scotché. Putain, j'étais fier de lui, les amis. Anatole, je te jure, il est monté à 5 mètres de hauteur. Moi, j'étais limite en flip et lui, il était tout en ouais, j'y vais, papa et tout. À la ouais. Cool, le gars. Mais je te jure que j'ai eu peur. Et lui, il a géré de ouf. Il avait pas la taille normalement pour faire les trucs en hauteur. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, Marie, mais normalement, ils l'ont mesuré, ta fille. Oui. Et moi, il lui manquait 10 cm. J'ai dit, allez, on va quand même faire le grand. Et il l'a fait, mais de ouf. Vraiment, fier de mon fils. Bah, pareil, il y a 2 ans, j'ai fait ça avec Fonf et ma meuf. On a des super week-ends. Et genre, je vous jure, sur une piste rouge, ça s'appelle. Ouais. Pourquoi ? Parce que t'es très haut, je commence à avoir peur, je commence à avancer sur le câble, et au bout d'un moment, je me retourne et il y avait un gamin de 4 ans derrière moi, tu vois. Ouais. Et je me disais, bon, il doit avoir peur, de toute façon, je prends mon temps, et au bout d'un moment, je l'entends, il fait allez, bouge ! Il avait 4 ans, quoi, vas-y, dégage ! Marie, 135€, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi ! Eh ben, merci beaucoup, c'est super ! De rien, je te fais des bisous, ma belle ! Eh ben, de même, merci, hein ! Au revoir, Marie ! Vous l'avez découvert ce matin, première diffusion en France, c'était une fois plus sur Fun Radio. Fun Radio, la radio des nouveautés. Ça passe ici avant les autres. Voici The Weeknd, Starboy. I'm trying to put you in the worst mood. one cleaner than your church shoes. I really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main out of your league to. Side out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. If I kill any pain, look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done. I'm a star boy. Every day and try to test me. Every day and try to end me. Pull off in that roadster. King, that's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon song, but with new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like to get me lame. Switch on my core if I kill any pain. The fall took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, like to get any lane. I switch on my core if I kill anything. Look what you done. I'm a star boy. Production Daft Punk. Il dit quoi à la fin? I'm a Starbucks. I'm a Starboy. Starboy. Arrête de penser s'il à la bouffe. S'il te plaît, arrête de parler. D'ailleurs, et vous vous rappelez que ce week-end, il avait des cheveux de ouf. Tu sais, il avait une coiffure, il a tout rasé. Ça, il n'y a plus rien. Merci. Alors, bon, on ne pourra pas vous donner des infos sur le monde, genre où en est un petit peu le conflit en Syrie ou quoi que ce soit. Par contre, sur les coiffures, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. On est numéro 1. Il n'y a pas de souci. Les amis, tiens, puisque je parlais des Daft Punk. C'est le moment de voyager. De voyager à travers le monde. Et nous le faisons de temps en temps, puisque c'est vrai que Fun Radio cartonne en France grâce à vous, mais que vous nous écoutez aussi en Belgique, en Suisse. Et puis, beaucoup plus loin, on a eu les États-Unis, on a eu la Chine, le Japon. La dernière fois, je crois que c'était en Corée qu'on s'est arrêté. Et moi, je vous dis souvent, voilà, manifestez-vous, puis comme ça, vous venez à l'antenne avec nous et vous nous dites où vous nous écoutez, vous nous faites voyager. Nous avons Adrien au téléphone avec nous ce matin. Bonjour Adrien. Bonjour Bruno, bonjour la famille, ça va? Ça va très bien. Il est 8h24 ici en France. Quelle heure il est chez toi? Il est quasiment 16h30. Ok, donc là on est sur du gros décalage. Dans quelle ville tu nous écoutes? Alors là, je vous écoute à côté de Heywood. C'est dans le sud de l'Australie. En Australie, les amis. Ah, c'est ouf ou pas? Alors Adrien, t'as 24 ans, bah, j'aimerais que tu nous dises déjà ce que tu fous en Australie, mon pote. Eh bien, moi, j'ai fini mes études dans la mécanique automobile et bon, ma copine était encore en plein dedans, dans ses études à Bordeaux. Et donc, je lui ai proposé, il y a 8 mois de ça, qu'on parte en Australie. Et donc, elle m'a pris pour un fou au début. Elle a réfléchi. Puis finalement, on est parti à l'aventure, tout simplement. Mais alors, attends, pourquoi partir en Australie quand tu fais de la mécanique auto? Je comprends pas bien le projet. En fait, ça avait rien à voir avec la mécanique auto, si tu veux. Mais des voitures, il y en a partout. Et je me disais que je voulais voir autre chose, de faire tout et rien, tondre des moutons, couper du bois. Enfin voilà quoi. D'accord, oui, vaché. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi d'exercer ton métier dans un pays où il fait tout le temps beau et chaud avec la mer à côté, alors que tu pourrais être dans le gris à Paris, dans le froid, avec des gens qui font la gueule. On n'arrive pas à saisir le truc. Bon, et Adrien, ça fait combien de temps que tu es là-bas? Ça fait environ 10 jours. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu kiffes? Quel est le truc qui t'a le plus marqué, là, depuis que tu es arrivé? Alors, nous, on est arrivé à Sydney. Donc par avion, et on a trouvé Sydney juste magnifique. Les gens sont super sympas, super cool, super accueillants. Quand on leur demande un service, c'est sans problème, pour un renseignement, etc. C'est juste super chouette, c'est au bord de l'eau, c'est hyper grand, c'est magnifique, franchement c'est hyper beau. Mais ça a l'air kiffant l'Australie. En revanche, moi on m'a dit qu'il y avait beaucoup de bêtes là-bas. Mais genre t'as des caïmans qui peuvent traverser un fleuve. Tu peux ouvrir ta boîte aux lettres, il y a des grosses araignées dedans. Ouais, serpents et tout. Je crois que l'Australie c'est un peu là où tous les animaux chelous sont donnés rendez-vous quand même. Hein. C'est ça, exactement. D'accord. Alors je sais que les caïmans c'est dans le nord de l'Australie seulement. Et nous là, en fait, on a des gros serpents, des grosses migales. Après, on a des koalas dans les arbres. On peut croiser des kangourous n'importe où. Ah, les kangourous. Ça existe d'ailleurs pour pas qu'il y ait des kangourous chez toi, genre les tapettes à kangourous. Pour pas qu'ils viennent piquer dans ton frigo. Dans un gros Adrien, merci de t'être manifesté. Je rappelle que quand vous habitez à l'étranger, vous le dites sur la page Facebook et c'est nous qui vous appelons. Vous tapez pas une blinde de téléphone entre l'Australie et la France. Adrien, on te fait des bisous, mon pote. Ok, merci pour tout, Bruno. Bonne journée du côté de Heywood en Australie. Mécanique auto, je trouve ça fort. Mécanique auto, ça donne envie de chanter, je trouve. Pourquoi? Mécanique auto, mécanique auto. Bien sûr. Mécanique auto, mécanique auto. C'est vrai. Ohé, ohé. Je fais de la mécanique auto, mécanique auto. Ohé, ohé. Ça marche. Mécanique. Mécanique auto, ça suffit. Le nouveau Calvin Harris, c'est déjà sur Fun Radio. Why wait to say? At least I did in my way. Lie way too fast. But in my heart, I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. I did it my way, lie way too fast. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.

début hier soir. L'animateur de télévision est entendu dans une enquête pour corruption de mineurs, ouverte en parallèle à des plaintes à son encontre pour des castings controversés. Des comédiens ont dénoncé au cours de l'été des castings osés pour une web-série produite par la société de production de Jean-Marc Morandini. Fini les frais d'itinérance à l'étranger. À partir de juin 2017, vous pourrez appeler ou envoyer des textos sans payer plus cher depuis un autre pays de l'Union européenne. Le projet a été présenté hier par Bruxelles. Nice et Balotelli à la fête. Le club de la Côte d'Azur est ce matin en tête de la Ligue 1 de football après 6 journées de championnat. Les Aiglons ont battu Monaco 4-0 dans le derby pour s'offrir la place de leader. La star italienne Mario Balotelli a inscrit un doublé. Dans les autres matchs du soir, Lyon a battu Montpellier 5-1 et Rennes s'est imposé 3-2 contre l'Olympique de Marseille. 8h34, bon réveil sur Fun Radio avec Bruno. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Bienvenue sur Fun Radio. La radio de Kungs, il va être avec nous là dans quelques minutes. Et depuis la dernière fois qu'on l'a reçu, c'était quoi? C'était au mois de mai quand on avait fait l'émission directe de chez mes parents là, à Saint-Jean-d'Angély. Ouais. Je peux vous dire qu'il en a fait des choses. Oui. Des dates avec des tas. Il était tout petit hein, quand on l'a connu. Bien sûr. Débuté à peine. Mais il avait que son premier titre. Tu vois, on disait, est-ce qu'il va transformer? Bon, bah ça y est, le gars est en train de tout déchirer. J'ai plein d'anecdotes sur Kungs, dont une qui me fait marrer parce qu'il avait fait une promesse à ses parents, j'ai fait la même. Et ben on va lui en parler là tout à l'heure. Il vient pas seul, hein, y a Jimmy and Commons qui chante, qui l'accompagne. Qui, pareil, j'ai vu, avait fait un featuring avec Eminem sur Marshall Mathers. Tout ça pour vous dire que quoi? Ben qu'on bosse un peu cette émission. Voilà, tu bosses, c'est tout. Excuse-moi, tu bosses. Allez, tout de suite, c'est le jeu des 30 secondes. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow, le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Gwen a 24 ans, il habite Saint-Malo, il est responsable dans une société de nettoyage. Applaudissements pour Gwen. Salut Bruno, salut toute la famille. Salut Gwen, bienvenue chez toi mon pote. Tu joues ce matin face à Vanessa, 26 ans. Elle est à Fontainebleau, employée commerciale chez Carouf. Applaudissements pour Vanessa. Salut tout le monde, salut Bruno, la famille. Salut. Bonjour Vanessa, soyez les bienvenus tous les deux. Ce matin, vous avez une mission. Et cette mission, si vous l'acceptez, et d'accompagner l'équipe de Bruno dans la radio le 30 janvier prochain. Où ça? À Sestas, à côté de Bordeaux. Nous allons ensemble faire le casse du siècle. Ce casse du siècle va se dérouler dans l'entrepôt de Cdiscount. C'est le numéro 1 du e-commerce en France. Vous aurez une minute à l'intérieur de ce magasin pour prendre tout ce que vous voulez. Aucune restriction de quantité ni de prix. La seule chose, c'est faire ce casse en une minute. Et tout ce que vous aurez choisi et sorti en une minute, c'est bien simple, ce sera pour vous. Et seulement pour vous. Et pour jouer, il va falloir choisir quelqu'un de l'équipe. On repart à zéro puisque hier, il y a eu match nul. Gwen, avec qui veux-tu jouer ce matin? Alors moi, je vais jouer avec Christina. Yes! Vanessa, avec qui veux-tu jouer ce matin? Avec Elliot. Ah, yeah. Merci Vanessa. Ah, et Elliot, je crois en toi. On est de retour dans le jeu. Back in the game. Elliot et Christina vont tenter à chacun de vous faire deviner un maximum de mots en 30 secondes. Celui de vous deux qui aura trouvé le plus de mots viendra avec nous pour faire le casse du siècle. On est d'accord? On est d'accord. Pas de souci. J'ai envie qu'on commence avec Vanessa. Ok. Vanessa, Elliot aura la liste en main au lancement du chrono. 30 secondes pour te faire deviner un maximum de mots. Est-ce que tu es prête? C'est bon. Allez. Chrono, c'est parti. Alors, c'est un truc qui fait bé. C'est quoi? Une chèvre. Non, non, c'est autre chose, c'est autre chose. C'est une blanc. Biquette. Non, non, non. Et un mouton. Ouais, voilà, exactement. Là, on est en train de faire quoi quand t'as ta bouche qui sort des mots? Tu es en train de parler. Ok. Brice de Nice, quand il va sur la mer, c'est un. Il fait quoi? C'est un. Il fait de. C'est sur une planche. Tu te mets sur une planche sur la mer. Ouais, ok. C'est pas ton cousin, c'est ta. Cousine. Ah pardon. Dans une télécommande à l'arrière, tu mets quoi? Pour que ça marche. Dans une télécommande. Non, non. Fil. Si, si, pile, elle a dit pile, elle a dit pile. Par contre, je sais que pour faire deviner cousine, cousin, ça marche pas. Ça leur fait 4 points, bravo les amis. Vanessa, tu es quand même la seule femme en France quand on te dit quel est l'animal qui fait bête, t'as dit une vache. Hein. C'est le stress. Ouais, désolée. Vanessa, 4 points. Gwen. Ouais. Il faut faire mieux que 4. Ouais. Tu es avec Christina. Christina découvre les mots au lancement du chrono. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je me mets une pression de fou là. Oh, allez, va. Gwen. Top chrono, c'est parti. Ok, c'est pas une rivière, c'est un peu plus gros, c'est un. Fleuve. Ouais. Tu as de la mayo, du ketchup ou de la. Dans les hot dogs, tu peux mettre de la. Sauce. Non, oui, mais comment ça s'appelle? Jaune, c'est jaune. Moutarde. Oui. Les DJ mixent avec des. Platine. Ouais. Quand t'es pas beau, t'es. Quand tu es pas beau, quand tu es laid, tu es. Tu es moche. Ouais, c'est un autre mot pour dire une pierre, c'est un. Caillou. Oui. Oui. Oh, elle n'avait pas gagné depuis quand? Juin 2016. Depuis le 1er juin 2016, elle n'avait pas gagné. Tout le monde la disait morte. Elle vient de se relever, mesdames et messieurs. Yes. Les amis, regardez cette femme. Elle est de retour. Back in the game, je me relève de mes cendres. Elle y a cru longtemps. Depuis quel jour? Depuis le 1er juin. 1er juin 2016, 22 septembre. Les gens se moquaient d'elle dans la rue. On disait qu'elle était finie, on lui crachait dessus la gueuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Vanessa, et j'en suis désolé, tu ne viendras pas avec nous à Cestas. Je t'embrasse. C'est pas grave. Gwen, tu vas participer au casse du siècle. Ah, trop génial. Bravo. T'es mon champion. Tu seras avec nous dans une semaine à Cestas dans l'entrepôt Cdiscount. T'auras une minute pour choisir ce que tu veux. D'accord, mon pote? Ah, pas de souci. On te donne rendez-vous le 30. Bisous, Gwen. Bisous, Bruno. Oh, j'adore ce jeu. Il faut en profiter parce qu'une victoire de Christina, c'est un peu comme une éclipse. Hein. On sait qu'on on le vit une fois dans sa vie, peut-être pas deux. Hein. Ah, t'es chiant. Bah, et de toute façon, c'est elle qui a le titre. Oui. Donc, elle rejouera demain, quoi qu'il arrive. De Parakeet, c'est tout de suite sur Fun Radio. Save me. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly. Drop my hand. Save me, save me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Save me, save me. Décembre, les amis. C'est un peu le Mozart de la dance, si vous voulez que je vous dise. Ça fait très expression, genre chroniqueur musical. Ouais, c'est un peu le Mozart de la dance music.

C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Il a la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Bon réveil la famille, merci d'écouter la première radio Dance Floor de France. Vous êtes sur Fun Radio, c'est jeudi. Comment ça va mon Kungs? Bah écoute, ça va et toi? C'est pas une voix de quelqu'un qui est en direct avec nous dans le studio. Non, j'ai l'impression qu'on a la voix de quelqu'un qui est un petit peu à la bourre. Bah ouais, non mais nous c'est pas notre faute, on était à l'heure, mais voilà, trafic parisien, on est bloqué quoi. Ah bah et t'étais mieux hier. Ça, bah, c'est clair. À ce niveau-là, c'est mieux ailleurs. Ouais. Dans le sud de la France, t'avais pas ce problème d'embouteillage. C'est bon, clair. Et t'es où, mon pote? Vous en êtes à quel niveau là? On est à quel niveau là? On vient de passer quai de Branly. D'accord. Voilà. Donc là, je crois que ça se débouche un petit peu là où on est. Donc voilà, on arrive. Eh ben très bien. Tu veux qu'on garde une place? Je peux mettre en bas entre deux voitures pour le point route avec Kungs pour les auditeurs de Paris. Bon mon pote, on t'attend. Ils ont futé, c'est moi quoi. C'est ça. Bon et fais gaffe, on arrête l'émission à 9h15. Ouais, bah ça va le faire. Bon, on t'attend à tout de suite. À tout de suite. Kungs qui sera avec nous en direct tout à l'heure. Ben ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était les joies de Paris. Il y a un auditeur qui a balancé un tweet là tout à l'heure pour Vacher et pour moi, qui s'appelle Julie. Quand tu viens de la province et que tu découvres que les bouchons parisiens sont pas une légende, elle a mis une photo, elle est bloquée dans les bouchons. Ouais. Bah oui, c'est une catastrophe. Oui. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment, ça émet dans toute la France, mais ici, les studios, ils sont à Paris. Et ouais, on n'y peut rien. À Paris, t'as des bouchons de folie. Ça klaxonne, ça se bouscule. Vas-y que ça crie, toi je t'engueule. À Paris, tu mets toute une journée pour faire le maître. Et c'est vrai que quand t'es bloqué, tu regardes le gars d'à côté et tu lui dis va donc te faire nanana à Paris. Tu lui dis nanana, espèce de gros nanana. Nana, va bien, nana, ta grosse nain qui nain des enfants avec des mains. Quoi? J'ai fait. Pardon. Sophie, elle est à Épinal. Bonjour Sophie. Bonjour, salut tout le monde. Bonjour. Salut. Le Sophie qui nous rejoint ce matin n'est pas n'importe qui. Sophie est notre loseuse du jour. Ah. Est-ce qu'on peut savoir, Sophie, 21 ans d'Épinal, ce qui t'est arrivé? Oui, oui. En fait, j'étais chez moi, je me lissais les cheveux. Waouh! J'adore ce que là. Et je sentais une odeur de brûlé chez moi. Ouais. Mais vraiment brûlé. Donc, j'ai cru que c'était mes cheveux au début. Et en allant au salon, j'ai vu que mon chat était en train de prendre feu. Ton chat était en train de prendre feu, mais pourquoi? Bah, en fait, il a dû s'asseoir dans une bougie que j'avais laissée et sa queue était complètement en feu. Bon, il a rien de grave, hein, j'ai pu l'éteindre, mais du coup, il a plus de poils. Oh, il voulait se foutre en l'air, ça se trouve que j'ai du mal. Non. Oh, voilà. Le pauvre chat, mais ça ressemble à quoi une queue sans poils de chat du coup? Bah, il a Angora, il a beaucoup de poils en fait. Ah, ouais, donc c'est à protéger Sophie, quand même, ça. Sophie, voilà. ne fais pas comme les autres débiles qui sont autour de moi et qui disent le pauvre chat. Sophie! Oui? Ton chat a voulu se servir de sa queue comme d'une torche. Bien sûr! Pourquoi faire? Pour foutre le feu à ta maison? T'habites dans une maison, dans un appartement? Un appartement! Eh ben ouais. Voilà, bien sûr! Il voulait mettre le feu à l'immeuble! Parce que les chats sont là pour conquérir le monde! Ne te laisse pas méprendre! Ses poils repousseront et il recommencera! Comment il s'appelle ton chat? Marley en plus. Ah bah non, bah il voulait la fumer. Ah bah ouais. Laisse tomber. Il a vu sa queue, il a fait oh putain man, regarde. Man, allume le dossier quoi, man, putain. Sophie, on t'embrasse ma chérie. Allez, salut, bisous. Bisous. Ciao. Alex Ayono, c'est un youtubeur et il fait des reprises. Et là, il a repris Dance, One Dance de Drake. Et le titre est énorme. Donc on a décidé de le jouer sur Fun Radio. Écoutez. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray. And that's why I need a one dance. Got an NSC in my hand. Time for I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one day. like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Oíme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que no necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un man ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura que viví. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. Time for I go. Higher powers taking a hold. I need one dance. Quedarme contigo hasta el amanecer. Hey, hasta el amanecer. Je le disais encore hier. Bien sûr. Oui, hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Mais comment te dire, moi, hier j'ai mangé des faritas au Del Paso. Ouais. Et donc. J'ai dit hasta el amanecer à la fin, toujours. Il faut toujours dire, c'est la moindre des politesses. Bien sûr. Moi, un gars, il me dit pas hasta el amanecer avant de manger. Et il est fou, mon tacos dans la gueule. Oh. Ah, le pire accent du monde. Bonjour, vous êtes sur Radio Cliché. Pour nous, si vous avez l'accent mexicain, vous avez forcément un sombrero, un poncho, et vous habitez près d'un cactus. Et vous vous déplacez en âne, ça va beaucoup plus vite. Bien sûr, et vos souris font bali bali bali ba, en apportant des morceaux de fromage. Allez, c'est l'heure du JPI. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI, boire du café le matin donne envie de faire caca. Voilà. Je faisais un petit signe au patron de Fun Radio qui vient d'arriver dans ce studio et qui sait du coup pourquoi il vous paye. Allez, la suite. Et pour commencer, politique, Nicolas Sarkozy veut baisser l'impôt sur le revenu de 10%. Ah, c'est vrai ? Non, c'est juste pour gagner des électeurs. Science, des scientifiques américains ont découvert que c'était la mère qui transmettait l'intelligence aux enfants. Toutes nos pensées vont donc aux futurs enfants d'Evangélie. Brad Pitt et Angelina Jolie divorcent. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait, je suis justement avec eux. Je les aide à séparer leurs biens. Ah. Alors, qui prend les assiettes ? Oui. Ok, Brad, qui prend la télé ? Oui. Angelina, ok, ensuite, qui prend la petite brune ? Oui. Le petit blond ? Oui. La petite blonde ? Oui. Le petit châtain ? Oui. Si vous commencez à partager les enfants, Anthony, on va pas s'en sortir, hein. On n'aura jamais le temps. Ils en ont 65, je vous rappelle. Pas faux. Bon, bah la suite. Et pour finir, scoop, il coupe les cheveux la semaine et fait du foot le week-end. Découvrez Jean-Louis David Beckham. Voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors à demain. Vacher répond juste à une question, c'est racontable ou pas ? Oui, c'est racontable. Monsieur, depuis tout à l'heure, ils ont un fou rire, Vacher et Christina, ce qui est super excluant. Ah, moi, je croyais que c'était le JPI. Ouais. Non, oui, non, alors, non. Moi, qui connais vos vannes du JPI, je me doute que c'est pas ça. Ah bon, bah, j'ai adoré les imitations de Brad Pitt et Angelina Jolie qui font « me » avec un bel accent de des États-Unis. « Me » qui veut un café. « Me, please, pour favor. « Me, me, me, I love it. » Écoute le Tarantino, là. Dans quelques secondes, sur Fun Radio avec nous, il y aura Kungs. I'm gonna rap. Est-ce que, parce que, en fait, ils sont à la bourre, vous avez compris. Et donc, il y a Kungs qui vient avec Jamie Commons qui est son chanteur. Est-ce que, parce qu'ils n'auront pas le temps de faire les balances, est-ce que tu peux pas juste envoyer le début du morceau pour que je fasse les tests sur le micro du chanteur à leur place, du coup. Bien sûr, vas-y, mets le début, tu vas voir. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

de qualification. Frayeur à la fac de Rouen, l'université a été évacuée et fouillée hier. Un étudiant a contacté la police après avoir repéré un homme au comportement suspect ces dernières semaines. Il errait autour de l'établissement et prenait des photos. Interpellé et placé en garde à vue, il s'est avéré que l'individu était fiché S. La fouille de sécurité n'a quant à elle rien donné. 1 800 euros, c'est ce que paye en moyenne un élève qui souhaite passer son permis de conduire. L'association UFC Que Choisir a dénoncé hier les trop nombreuses sorties de route des professionnels du secteur. Elle pointe du doigt le prix des heures supplémentaires de conduite. Le football, c'était la fin de la 6e journée de Ligue 1 hier soir. Nice a battu Monaco 4-0 et prend la tête du championnat avec notamment un doublé de Mario Balotelli. Lyon retrouve la première moitié de tableau grâce à un succès 5-1 contre Montpellier. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Bruno dans la radio qui continue avec un invité ce matin, c'est Kungs qui arrive dans nos studios. Bonne matinée sur Fun. Fun Radio. Jeudi, nous sommes le 22 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 9h05, bonjour! Et bienvenue sur la première radio Dance Floor de France. Vous écoutez Fun Radio, c'est Bruno dans la radio comme chaque jour, tous les matins entre 6h et 9h15 avec Christina. Bonjour à tous! Ilia Vacher. Et bonjour! Ilia Elliott. Bonjour Bruno. Et applaudissements, tonnerre d'applaudissements pour celui qui vient de nous rejoindre ce matin. Applaudissements pour Kungs. Et Jimmy Cummins. Comment ça va les amis? Ça va et toi? Ça va bien. Hi Jimmy. Hey, how's it going? Et alors le truc c'est quand même, je disais la dernière fois que t'es venu, c'était chez moi à Saint-Jean-d'Angély. À Charente-Maritime, petite ville de 7000 habitants. Bon, alors j'ai l'impression que c'est moins galère pour la circulation que pour venir ici à Paris. Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. À Niort, on n'avait eu aucun problème. C'est ça. Bon, j'étais en train de dire, et depuis le mois de mai, il s'est passé des trucs de ouf. Vis ma vie de Kungs, quoi. Ouais, ça a été incroyable, ça a été intense. T'étais à Ibiza d'ailleurs cet été. Oui. Ouais, j'étais 6 ou 7 fois là-bas. Ouais. Donc super expérience. On a eu des taufs avec David Guetta qui ont tourné notamment. Ouais, bah l'Ushuaïa. Hein. Ouais. Bah, j'ai joué avec lui à Ushuaïa et Pacha aussi. Oh. Voilà, c'était énorme. La classe. Ouais. Mec, il y a 3 ans, il mixait chez lui dans sa chambre. Mais ouais, en fait, j'aurais dû le prendre pour mon mariage il y a un an et demi. Mais il coûtait 300 balles. Et j'ai vu sur ton Twitter qu'il y avait un délire aussi de Pina Colada avec Jonas Blue. Oui, c'est vrai. Bon, en fait, j'ai joué en Corse, au Sea Lounge. Bon, c'est un espèce de club sur la plage, c'est super bonne ambiance. Et il y a un restaurant où ils aiment inviter leurs artistes. Et il y a un barman qui fait une pina colada qui est juste incroyable. Et voilà, du coup, Jonas Blue a pris la même que moi. Il y avait un petit délire par rapport à ça. D'accord. Et du coup, comment ça se passe avec tes potes un peu? Tu les fais gratter ou pas? Tu sais, tes potes de lycée que t'as gardé et tout. Comment ça se passe? Ils t'ont dit, amène-moi Ibiza et tout? Bah, je peux pas trop faire ça parce que j'ai un tour manager, j'ai des gens qui avec moi. Et moi, je suis pas ton pote, me donne pas l'excuse. Non, mais s'ils veulent me rejoindre, y a pas de souci. Derrière, je peux les mettre sur liste, machin. Mais bon, après, c'est chaud de les faire gratter jusqu'au bout, quoi. Bah, ah ouais, tu m'étonnes. Tu sais que je disais, on a un point commun. Sérieux, c'est que moi j'ai arrêté après le bac mes études pour faire de la radio et j'avais fait une promesse à ma mère, je lui avais dit je te promets que je serai sur une grosse radio nationale d'ici 3 ans. Est-ce que c'est vrai que toi aussi t'avais fait le même deal avec tes parents quand t'as passé le bac? Ouais, c'est ça, je leur ai demandé de me laisser 3 ans et si en 3 ans ça explosait pas, bah je reprenais les études et puis ça a marché quoi. Donc, ouais. Donc c'est, ouais, c'est ça. Si t'avais dû reprendre des études, c'est des études de quoi? Bah j'avais commencé un IUT GEA. Ouais. Bon, c'était pas une passion hein, pour moi. C'était pas... pour nous non plus, hein, si ça peut te rassurer. On a pas super envie d'en parler. Bon, parle-nous du titre là, Don't You Know, et ta rencontre avec Jimmy Cummins. Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés en studio à Londres, il y a un peu moins d'un an. Avant de sortir This Girl et tout, en fait, grâce à Universal, j'ai eu des propositions de plusieurs artistes avec qui faire de la musique, dont Jimmy Cummins. Uh-huh. Et puis du coup, j'ai adoré sa voix, donc j'ai dit ok, on y va. Et voilà. Hi Jimmy. Il fume une clope, hey. Tranquille. Donc il va vite se rendre compte qu'on est complètement bilingue. You're going to see that we are totally bilingual in this team, okay? Nice. So you can speak English with me, no problem. Okay. Je comprends tout, vraiment. Je Porque we love Inglaterra. So it's okay, we speak. Est-ce que c'est vrai que tu as déjà fait un featuring avec Eminem? Is it right that you already made a feat with Eminem? Yeah. And Jay-Z. And, wow. Strange enough. Yeah, it's a weird. Weird world. Et du coup, alors, comment ça s'est passé avec Kungs? C'est là qu'on va commencer à bugger. Laissez-moi, oui. S'il vous plaît, gérer. Pardon. Okay, ouais. Si tu veux, je t'aide. Hein, mais je vais me débrouiller tout seul. Je vais me débrouiller. Vous savez quoi? Je vais le faire tout seul. Allez, vas-y. Okay. It's cool to work with Kungs. Oh yeah, the best. Hey. Ok, yeah. Voilà, bravo. Hey, franchement, bien. Je m'en tiens pas mal. Franchement, ça va quoi. Et puis, hey, tu m'aiderais pas toi, Kungs? Il est en train de me regarder, en train de galérer avec moi. T'es bilingue, Kungs? Ouais, ça va, je me déverde bien en anglais. Ah ouais, what time is it? I don't know, but I'm late. C'est bon. Bon, les amis, ça nous fait plaisir en tout cas que vous soyez là ce matin. Nous, on adore Kungs. On a été les premiers à vous jouer This Girl. Est-ce qu'on se ferait Don't You Know en live? Et vu qu'il y a beaucoup de monde dans le studio, je voudrais un joli oui. On se le fait en live ou pas ce matin? Oui! Are we going to do that in live this morning? Yeah! Applaudissements pour Kungs et Jimmy Commons! Faut pas arrêter d'applaudir tant que le titre est parti. Non, on continue. C'est bon. Yep. I'm gonna rock your body. Take it damn slow. I'm gonna rock your body. Don't you know I'm gonna rock your body? Take it damn slow. I'm gonna rock your body. Don't you know? Don't you know? Big city, beautiful sky. The only thing I want is the touch of your body. Soft sand, flickering light. Your beating, breathing out is keeping me from dying. I'm gonna rock your body. Take it damn slow. I'm gonna rock your body. Don't you know? I'm gonna rock your body. Take it damn slow. I'm gonna rock your body. Don't you know? Big city, beautiful sky. The only thing I want is the touch of your body. Let it all go, it's gonna be alright. There's something in this world that can keep me from flying. I'm gonna rock your body. Rock your body. I'm gonna rock your body. Yeah. I'm gonna rock your body. Take it damn slow. I'm gonna rock your body. Don't you know I'm gonna rock your body? Take it damn slow. I'm gonna rock your body. Fun radio. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Don't you know I'm gonna rock your body? Rock your body. I'm gonna rock your body. Don't you know? Applaudissements pour Kungs et Jimmy Commons. Bravo. Merci beaucoup. Thanks a lot, guys. Kungs, rapidement, avant de vous laisser partir, les amis, parce que là, bon, il y a This Girl, il y a Don't You Know. À un moment, il va falloir mettre tout ça dans un album. Le 4 novembre. Ah, voilà une nouvelle qu'elle est belle. Elle est bien. 4 nouvelles, album qui sort, album de Kungs, combien de titres à l'intérieur ? Une douzaine. D'accord, donc une douzaine de titres. Comme les œufs, quoi. Une douzaine. Je vous en mets un en plus, madame Bernard. On peut avoir le titre de l'album ? Il s'appellera Layers. Layers de Kungs, ça va sortir le 4 novembre. C'était un vrai plaisir de t'avoir, Plato. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour tout, merci. Désolé du retard en tout cas. Mais, c'est pas grave. Mais t'as amené un mot de tes parents, comment t'as demandé? Merci beaucoup, thanks Jamie for coming. Merci beaucoup. Thanks so much for having me, cheers. Bye bye les Merci amis. Beaucoup. Merci. Ah, c'est génial. Ah ouais. J'ai toujours pas compris les paroles par contre. Mais I'm gonna run, snow, run it. Let's go. Ah voilà, c'est ça. Ouais. S'il te plaît. Allez, top 3 d'Eliott. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Gracias mucho. Les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Elliot, c'est le top 3. Numéro 3. Et je voudrais revenir sur le numéro 3, sur le moment love. On a eu Aude, 34 ans de Bordeaux, elle connaissait son mec depuis la primaire. Et ils sont sortis ensemble d'un coup. Et c'est sûr que quand on connaît son mec depuis très très jeune et qu'on connaît que lui, bah ça peut créer des soucis. On a parlé de ça ce matin. Mais attends, à quel moment vous êtes sortis ensemble du coup ? Alors j'avais à peine 15 ans. Mon premier amour. Non. Oui. Mais attends, ça veut dire que t'as pas vu le loup avec un autre garçon ? C'est ça. T'as connu que lui, mais je trouve ça dingue. Mais ça existe, hein. Bien sûr. Il y a que le loup de Jean-Luc, hein, pour elle, donc. Mais attends, et lui, c'est pareil de son côté ? Non, il y a eu quelques histoires avant, mais pas beaucoup, parce qu'elle a à peine 17 ans, donc. Je trouve ça dingue, oui, Elliot. Ça pue la crise de la quarantaine, tout ça. Pas du tout. Mais non, ça existe. Il y a pas de raison, justement, faut innover dans le coup, faut pas rester dans le truc rébarbatif. Oh, ça sent le club échangiste. Ouais, ah non, alors ça, pas du tout. Te justifie pas, on a compris, va. Aude, on te fait des bisous, ma belle. Moi aussi, gros bisous. Amusez-vous bien, tous les 16. Mais c'est vrai que nous, ça nous paraît être un truc qui n'existe pas dans la vraie vie. C'est impossible. Mais bien sûr que si, ça existe. Non, mais moi, ça fait 2 ans que je suis avec ma copine, j'envisage déjà les trucs échangistes et tout, genre peut-être au bout de 20 ans, un truc comme ça. C'est-à-dire que tu les envisageais déjà avant d'être avec elle. Donc, il n'y a pas de souci. Non, mais le truc où il n'y a que moi qui échange, quoi. Oui, j'ai bien compris. Numéro 2. Numéro 2, on connaît Vaché, il est en face de nous. Bonjour. On ne savait pas que c'était un homme, un vrai, hein, avant cette anecdote de 6 heures. Je vous propose de réécouter et de vous faire votre avis. Moi, c'est pareil, c'est en voiture, mais c'était le truc le plus triste du monde. Parce que pareil, je suis très calme et je pète les plombs d'un coup. Et là, je vois que, tu vois, on était à deux, ma copine, elle me suivait avec sa voiture. Et je vois qu'il y a un fourgon qui coupe la route à ma copine, tu vois. Et elle essaye de passer, le fourgon force. Donc forcément, moi, j'avais l'esprit de défense, tu vois. Je me dis, je vais leur péter la gueule, quoi. Ils emmerdent ma copine. Donc je me gare comme ça, je tire le frein à main, je sors de la bagnole, j'ouvre mon coffre, je prends le cric, tu vois, comme dans les films. Et je cours vers le camion. Et plus je cours vers le camion, plus je me rends compte qu'ils sont beaucoup à l'intérieur. Et du coup, je vous jure que c'est vrai. Ce que j'ai fait, c'est que je suis passé devant le camion et j'ai fait genre que je courais ailleurs. J'ai continué ma course. Genre, je vais secourir un mec qui en panne. Non. Et oui, c'est ce qu'on appelle un héros. Ils étaient cinq. Je tiens un vrai. Allez, numéro 1. Numéro 1. Ah, Christina a encore fait des siennes. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, on ne l'a pas entendu parler anglais tout à l'heure avec le chanteur de Kungs. Mais... Non, bah, ce qui est pas mal parce que alors moi, j'aurais pas dû. Hein. Et autant des fois, ça vient tout seul. Ouais, là, non. Ce matin, ça venait pas. Alors que moi, je vous aurais ébloui par mon talent. Ah bah regarde, tu nous as ébloui ce matin. On parlait des chansons qui nous décrivaient le mieux. Christina, donc c'est un titre de Michael Jackson. Moi, la chanson qui me représente bien, c'est une chanson de Michael Jackson. C'est Don't Stop to Get It Enough. Ouais. Voilà, je n'arrive jamais à le dire. Attends, je suis désolée. Si, moi, j'aimerais bien qu'avant que tu lances le titre, quand même. Don't Stop. Till get you enough. Je crois que c'est dans ce sens-là. Don't stop. Till get you enough. Allez tout le monde. Écoute, regarde. Don't stop to get it. Don't stop to get it. Je trouve que ça me représente bien. Non mais c'est vrai parce que elle est heureuse, elle est comme moi cette chanson, elle est la joie de vivre et je crois, si je suis pas tout à fait bilingue, mais je crois que ça veut dire ne t'arrête pas tant que t'en as pas assez. Exactement. Bah, ça me représente. Don't stop to get it. Exactement ça. C'est bon. Ah là là, une belle émission de. Bilingue. Encore les amis. Allez, on va revenir demain. Gloire au Châtelain. Gloire au Châtelain. Glory